bien, ça même ça aide, ça l'aide pour qu'il voit clair, etc. C'est pour ça qu'il y a un hadith, je me rappelle maintenant qu'il y a un hadith okay, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il dit, attendez comment commence, je vous donne sa fin, c'est sa fin qui a rapport avec le cours. Il dit, وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ اِفْتَتَنْ. Et avant cela, il dit, مَنْ اِتَّبَعَ السَّيْدْ غَافَلْ. Il dit, quiconque qui va y aller la chasse, ou bien la pêche, il va s'y donner à fond. Et il va devenir distrait. Ensuite, il a dit, et celui qui s'approche de la porte, celui qui s'approche de la porte du sultan, ça va lui arriver des fitnas. Comme ça, il a dit. Omen ata abwab sultan, celui qui va aux portes du sultan, il va quoi? Ça va lui arriver des fitnas. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Celui d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Afwan, c'est quoi le hadith, inshallah ta'ala? Tu venais de le hadith. C'est quoi le hadith? Remets-le, inshallah ta'ala. Remets-le. Voilà, c'est ça le hadith. Man bada jafa. Le prophète Aslam a dit, celui qui va vivre à la campagne, il va avoir un cœur, disons, presque scellé. Pourquoi? Parce que quand on vit à la campagne, vous savez, il n'y a pas des savants, il n'y a pas de science à la campagne. Les savants habitent la plupart du temps dans les villes. Il a dit donc, son cœur va devenir vraiment, distrait. وَمَنْ تَبَعَ السَّيْدِ رَافَلْ. Problème de la chasse. Et enfin, مَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنْ. Et quiconque va aux portes du sultan, ça lui arrive des fitnas. Donc on commence. Le fils de Taous rapporte de son père. Il a dit que son père avait dit, la douceur de ce bas monde et l'amertume de ce bas monde et la douceur de l'au-delà. Le fils de Taous, père, la douceur de ce bas monde et l'amertume de l'au-delà. Et l'amertume de ce bas monde et la douceur de l'au-delà. Abou Zakaria, si tu peux changer de couleur, inshallah ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il rapporte de son père? La douceur de son monde et l'amertume de l'au-delà. Ah. C'est-à-dire que c'est tout à fait le contraire. Ici, dans ce bas monde, le croyant, ah, il ne ressent pas la douceur de ce bas monde. Ça ressent. S'il la ressent, ça veut dire que il s'y est impliqué, khlas. Il s'est noyé dans ce bas monde. Et quiconque se noie dans ce bas monde, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'oublier, c'est sûr. Donc faire des péchés. Donc, quiconque trouve la douceur ici, de ce bas monde, il va trouver demain une amertume quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amertume, ça veut dire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enfer, c'est sûr. Naam. Et le contraire, il a dit, et l'amertume de ce bas monde, et la tristesse dans ce bas monde, naam, inverse, ça va donner quoi? La douceur de l'au-delà. La douceur de l'au-delà. Naam, rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, où il a dit, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال الشيخ الألباني صحيح حديث 412 في صحيح الجامع. Le prophète Islam a bien dit que le bas monde était la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Le bas monde, c'est la prison du croyant et c'est le paradis. Pourquoi est-ce une prison pour toi? Dans le sens où tu fais ce que tu veux. Quand quelqu'un est dans la prison, est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Il fait pas ce qu'il veut. Il est commandé, ça. Avant de faire une chose, on demande la permission. Le croyant, il est comme ça. Il est dans une prison privée de mille et une choses. Mais c'est lui qui a voulu se priver. Il sait que c'est une prison, il a accepté. Pourquoi? Parce que il sait qu'on ne peut pas avoir Yani, on ne peut pas avoir deux paradis en même temps. Tu choisis, là tu te fais choisir. Ou bien la prison ici, et le paradis dans l'au-delà, ou bien le paradis ici, et la prison dans l'au-delà. Et la prison de l'au-delà, vous savez, c'est l'enfer à Oudoubillah. C'est l'enfer à Oudoubillah. Ça me rappelle une fois que j'ai lu comme ça dans un livre, une fois que Ibn Hajr al-Asqalani rahimahou, celui qui a écrit Fath al-Bari, c'était un juge en son époque, un juge très connu, et il avait l'habitude, quand il sortait pour aller juger entre les gens, il s'habillait d'une façon impeccable, mashallah, des vêtements propres, des vêtements blancs, des vêtements yani, immaculés comme on dit. Un jour il a rencontré un juif dans le chemin. Le juif l'a arrêté. Il lui a dit une seconde. Il lui a dit, je vais te prouver que yani, votre prophète yani, dit des choses qui ne sont pas vraies. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, votre prophète a dit, le bas monde, c'est une prison pour le croyant. Et le paradis du mécréant. Et toi, c'est le contraire. Tu es habillé, yani, comme les gens du paradis, et moi par contre, il y a un regard, je suis un mécréant, regarde comment je suis habillé, un peu déchiré, etc. Il lui a répondu, Rahimallah, il lui a dit, en fait, ce hadith a deux sens. Naam. Le deuxième, je vais te le dire, c'est quoi? Il a dit, le paradis que dans lequel tu me vois maintenant, comparé au paradis qui attend le croyant, c'est comme si j'étais en enfer. Et l'enfer qui attend le mécréant, non, comparé à l'enfer, à ce qu'il vit maintenant, non, c'est comme s'il était au paradis. Tellement l'enfer terrible par rapport au kafir, que ce qu'il attend, yani, que on dirait ici qu'il est au paradis. Il va dire moi la même chose. C'est-à-dire que le paradis qui attend le croyant, comparé à ce que je vis maintenant, comme tu me vois habillé, mashallah, on dirait que je suis en enfer. Non, mais il a donné une réponse qui l'a rendu bouche bée, bi'idnillah subhanahu. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le mot, wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayat law kanu ya'lamun. Cette vie d'ici-bas, amusement et jeu, dans le sens de n'est qu'amusement et jeu, et la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. Non, la vraie vie, c'est la demeure de l'au-delà. Wahb ibn Munabbih rahimahullah rapporte, il a dit, Malik ibn Dinar rahimahullah demanda à un homme plus à que il lui a dit, combien dois-je construire? Il lui répondit, ce qui suffira à protéger du soleil et de la pluie. Combien dois-je manger? Réponse, un peu plus que la faim et en deçà de la satiété. Combien dois-je rire? Réponse, d'une manière qui donnera de l'éclat à ton visage sans pour autant laisser entendre ta voix. Combien dois-je pleurer? Réponse, ne te lasse pas de pleurer par crainte d'Allah. Combien dois-je cracher de mes œuvres? Réponse, cache au point que les gens pensent que tu n'as jamais accompli de bonnes actions. Combien dois-je afficher de mes œuvres, c'est-à-dire montrer? Réponse, montre ce qui amènera celui qui est attentif à te prendre pour modèle. Non. Et on voit cette chose. Wahb ibn Munabbih rahimahullah rapporte, Malik ibn Dinar demanda à un homme plus savant que lui, combien dois-je construire? Non, il lui a dit, construis ce qui va te suffire à te protéger du soleil et de la pluie. Non, c'est pas tu construis yani, et tu vas mettre yani, tout yani, dans la construction. Non, mais construis de façon à ce que yani, construis de façon à ce que tu sois dans le nécessaire. Construis le nécessaire, non, ne rentre pas dans les futilités, dans les futilités. D'ailleurs, le prof dit dans un hadith authentique, et il a dit que, tout ce qu'on fait, si c'est avec la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a des récompenses. Il a dit sauf la construction. Subhanallah al-Adim. Il a dit sauf le bina, sauf la construction. Non. Le croyant, quand il construit d'une façon modeste. Car quoi? Car il sait que cette construction, il va partir et la laisser. Donc, le croyant construit surtout pour l'au-delà. Il construit sa maison de l'au-delà. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand la personne dit subhanallah, que on lui construit, yani, on lui monte un palmier ou un bâtiment dans le paradis. Donc le croyant, il pense beaucoup plus construire son paradis qu'à construire sa maison ici. Qu'à construire sa maison ici, même si bien sûr, ce n'est pas interdit de construire la maison. Mais ce qui est interdit, c'est d'aller dans les futilités. Dans les futilités, si vous voyez des gens comment ils et combien qu'ils investissent dans des choses qui, subhanallah, la tous minou la tourner minjoua, des choses vraiment vraiment futiles, des choses vraiment futiles. Voilà le hadith authentique. Inna al-mu'min la yu'jar fi kulli shay'in illa al-bina fi hadha al-turab. Le croyant a des récompenses dans toutes choses, sauf dans la construction, il a dit. Fihad de Torah, dans cette terre. Non. Abu Zakaria, le hadith, c'est encore une fois, barakallahu fik. Ensuite, il lui a dit, combien dois-je manger? Il lui a dit, un peu plus la faim, et en deçà de la satiété. Un peu plus que la faim, quand tu manges, pour ne pas rester yani, affamé. Non. Mais en dessous de là, ça ne mange pas jusqu'à yani, vouloir vomir. Jusqu'à vouloir vomir. Abu Zakaria, est-ce que tu es là? Abu Zakaria, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. J'ai dit, si c'est possible, de remettre le hadith, inshallah. Donc, combien dois-je manger? Un peu plus que la faim. Et ça, de la satiété. Tayyib. C'est pour ça qu'il y a un des salafs, rahimahullah. Une fois son fils lui a dit, aujourd'hui j'ai mangé, il y a né à vouloir, disons, vomir. Son père a dit, écoute mon fils, si jamais il t'arrive à mourir cette nuit-là, que bidnillah, je ne ferai pas la prière sur toi. Car, en ce cas, tu as fait, en ce cas, tu t'es suicidé. Manger jusqu'à y aller, se faire éclater le ventre. Il a dit, moi, je ne fais pas la prière sur toi. Elle mourait. Combien dois-je rire? Ris d'une manière qui donnera l'éclat de ton visage, sans pour autant laisser entendre ta voix. Man, quand le croyant rit, il rit d'une façon, yani, modeste. Ça arrive, bien sûr, ce qu'on appelle, nous, le fou rire. Ça lui arrive de temps en temps. Mais le croyant n'est pas connu pour cette chose. Il n'est pas connu pour quelqu'un qui rit toutes les deux secondes, il rit comme sa voix haute. Non, celui-là c'est quelqu'un qui n'est pas encore mûr, qui est toujours futile, qui est toujours enfant. C'est les enfants qui rient beaucoup. Non, mais quelqu'un qui a le chagrin, non, de ses péchés dans son cœur et qui a le chagrin de la peur de l'enfer, etc. Celui-là il rit pas beaucoup. S'il rit, c'est par occasion. Sinon, surtout, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Surtout, il rit. Plutôt que de rire à voix haute, sauf dans des cas comme ça, comme j'ai dit, il y en a particulier. Al-Muhim. Combien dois-je pleurer? Par contre, combien dois-je pleurer? Ne te lasse pas de pleurer par crainte d'Allah. Non. Par contre, si tu peux ne pas t'arrêter de pleurer, et de pleurer matin et soir, fais-le. Si c'est par crainte d'Allah, n'arrête pas de la dire, bien authentique, que parmi les sept que Allah Ta'ala va ombrager au Qiyama, quelqu'un qui pleure. Non, quelqu'un qui pleure, yani, quand il pense à Allah subhanahu wa ta'ala ou à l'au-delà ou bien. À condition qu'il soit seul, pas parmi les gens. Donc, la pleure est par crainte d'Allah. Premièrement, ça donne des récompenses et deuxièmement, ça adoucit le cœur. Contrairement à quoi? À rire beaucoup. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit que rire beaucoup, ça fait durcir le cœur. Mieux encore, il a dit rire beaucoup, ça fait tuer le cœur, ça fait mourir. On l'a cité une fois, si vous vous rappelez. Ensuite, il a dit, combien dois-je cacher de mes œuvres? Combien dois-je cacher de mes œuvres? Réponse, cache au point que les gens pensent que tu n'as jamais accompli de bonnes actions. Non, cache au maximum. Même au point que les gens croient que tu ne fais jamais de bonnes actions. Car ils t'ont jamais vu, quoi, faire de bonnes actions comme ça devant eux. Donc ça, c'est mashallah. C'est le délil de la sincérité. Tu ne veux pas que les gens voient ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses surérogatoires. Dans les choses surérogatoires. Quant aux choses obligatoires, on les fait devant les gens. Si c'est le moment de salat al-dhuhr et j'ai des invités, je ne vais pas dire, je ne vais pas prier parce qu'ils vont, ils vont voir ce que je fais. Non. Non. Frère, je prie pour que eux aussi ils se lèvent pour prier. Mais pour les surérogatoires, je ne suis pas obligé de montrer aux gens ce que je fais. Donc, il lui a dit cache au point que si tu peux, que personne ne voit ce que tu fais. Et combien dois-je montrer à la fin? Il a dit combien dois-je montrer de mes œuvres? Il a dit montre si ça amène celui qui te voit à te prendre pour modèle. Voilà. Quand tu sais que si tu vas montrer, les gens vont te suivre car ils te prennent comme modèle, alors montre. Pour que les gens y en effacent comme tu fais bi'idhnillah ta'ala et tu as les mêmes récompenses que bi'idhnillah ta'ala. Al-Fudayl rahimahullah a dit si tu peux ne pas être connu, fais-le et tu n'es rien à ce qu'on ne te fasse pas des éloges ou à ce que tu sois blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Il a dit celui qui aime être mentionné ne sera pas mentionné et celui qui l'éprouve le sera. Allahu Akbar. Si tu peux ne pas être connu, fais-le et tu ne perds rien, tu manques rien à ce qu'on ne te fasse pas tes éloges, rien. Et tu ne perds rien aussi à ce que tu ne sois pas blâmé des gens, non, à ce que tu sois blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah, tu ne perds rien. Il a dit, celui qui aime être mentionné, ne sera pas mentionné. Et celui qui n'aime pas être mentionné, le sera. C'est tout à fait le contraire. Je reprends. Ça parle ici de réputation. Le musulman, il vit pour subhanahu wa ta'ala. Il ne vit pas pour la gloire et la réputation. Non. Quelqu'un, par exemple, qui est acteur ou qui est chanteur ou qui est... Non. Plus il est connu, plus ça lui fait plaisir. Plus il est réputé, plus il a atteint son but. Le croyant, c'est tout à fait le contraire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Allah ta'ala me connaît. C'est lui qui m'a créé. Donc, je n'œuvre que pour lui. Je n'ai pas d'autre intention. C'est pour ça que même en islam, les savants disent, quand quelqu'un commence à chercher la science, par exemple à apprendre la science, il ne doit pas mettre dans son but et dans son intention que connu. J'apprends pour devenir savant et pour être connu. Non. Le premier but, j'apprends pourquoi? J'apprends pour afa al-jahl, pour éloigner l'ignorance de moi. J'apprends car l'apprentissage est une obéissance. Non, c'est même une obligation. J'apprends pour ravir mon Seigneur aussi. Voilà les deux choses pour lesquelles je suis en train d'apprendre. Maintenant, si je deviens réputé et connu après, de par ma science, c'est une grâce qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas en train de la chercher. Et si je ne deviens pas connu, alhamdulillah. Alhamdulillah, je n'ai pas cherché à être connu. Non. Donc il a dit, si tu peux ne pas être connu, fais-le. Et tu ne perds rien à ce qu'on ne fasse pas tes éloges. Non. Qu'est-ce que tu perds quand les gens ne te font pas des éloges? Ils ne disent pas celui-là, il est machin, là, il est connu, etc. Là, ou que tu ne sois pas blâmé des gens si tu es loué auprès d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, là, et tu es loué auprès de lui, il te fait des éloges devant les anges, comme dans le hadith authentique. Il te fait des éloges devant les anges. Alors, quoi ça, qu'est-ce que ça peut me faire que les gens me blâment? Qu'est-ce que ça peut me faire dans ce cas que les gens me blâment? Ensuite, il dit, celui qui aime être mentionné, il ne sera pas mentionné. Celui qui aime comme ça être connu et qu'il soit réputé, il ne sera pas. Non, il ne sera pas. Et celui qui ne cherche pas cela, il le sera. Je donne un exemple très simple. An-Nawawi rahimahullah, son livre qui s'appelle Riyad al-Salim, qu'on lit chaque samedi. Autant de An-Nawawi rahimahullah, autant de lui, en son temps, il n'y avait ni télé, ni internet, ni radio, SMS, ni. L'âme, et regardez son livre Riyad al-Salihin, réputé dans le monde. Il n'y a pas un musulman, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, qui ne connaît pas ce livre. Tu dis Riyad al-Salihin, il te Nawawi. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a réputé son livre, et en réputant ce livre, son auteur est devenu aussi réputé, bien sûr. Est-ce que Nawawi rahimahullah, il a fait des, comment qu'on appelle ça, la publicité à la télé, il n'a rien fait de cela. Il n'a pas cherché à être mentionné. Allah ta'ala a voulu qu'il soit réputé. Et il y a des gens qui donnent comme ça de l'argent pour passer à la télé, pour ceci, pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne propage leur science. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas pour son visage. Regardez ce qu'il y a maintenant dans ce hadith. Inna Allah yul abda al-taqi al-ghani al-khafi. Qala Sheikh al-Albani sahih. Undur hadith 1882 fi sahih al-jami'. A dit dans un hadith authentique, il a dit Allah Ta'ala, j'ai oublié Ta'ala, Inna Allah Ta'ala aime le serviteur qui a ses trois attributs: pieux, contraire de qui? Du pervers. Riche, on va voir qui ça veut dire riche. Discret, voilà le témoin du cours. Allah Ta'ala aime celui qui est discret. Riche, parce que l'islam l'a enrichi. Il n'a pas besoin de choses. Allah Ta'ala l'a enrichi. Riche de cœur, riche d'âme. C'est pas riche d'argent. Car si c'était riche d'argent et de bien, ça veut dire que Allah Ta'ala n'aime pas le pauvre. Or, comment Allah Ta'ala n'aime pas le pauvre, alors qu'il le fait rentrer, comme le Qiyama, 500 ans, au paradis, avant de le riche. Vous savez que Allah Ta'ala va faire rentrer les pauvres, le Qiyama, au paradis, 500 années avant les riches. Donc c'est une preuve ici que le mot riche, c'est pas. Mais quelqu'un qui est riche en quoi? Riche, yani. Riche en son cœur. Riche de cet islam que Allah Ta'ala lui a donné. Riche de la douceur de l'islam. Naam. Donc, Allah Ta'ala aime le serviteur pieux, riche et discret. Et riche, ça me rappelle aussi le hadith qui dit Laysa minna. Laysa minna man lam yatagna bil Qur'an. Laysa minna man lam yatagna bil Qur'an. C'est un hadith authentique. En ce sens, il a dit quoi? Il a dit, ne fait pas celui qui yatagna. Yatagna en arabe, ça peut être chantonné, maudit. Hein? Celui qui ne place pas, maudit pas avec le Coran, il chantonne pas, seulement comme ça direct. Mais d'autres ont dit non, ça a un deuxième sens. Yataghanna, ça veut dire il devient riche, mais le ghina ne fait pas partie de nous, celui qui le ne l'enrichit pas, ne lui suffit pas. Il va chercher d'autres livres pour chercher le mot de vie. Comment le Coran ne suffit pas? Il n'y a pas le mode de vie nécessaire dans le Coran pour que tu ailles chercher la démocratie ou je ne sais pas où tu vas chercher le mode de vie. Non. Ja'far rahimahullah rapporte, entendu, non, c'est pour ça qu'on dit ma kana lillah idama utasal ou ma kana lillah inqata utasal. C'est connu que les salafs disaient que ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala perdure, et ce qui n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala toujours, yani, il se coupe et yani s'arrête. Non. Je disais, Je disais, Rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Ibn Dinar, Rahimahullah, dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque le corps est malade, ni nourriture, ni boisson, ni sommeil, ni repos ne sont d'aucune utilité. Il a dit, il en est de même pour le cœur. Lorsque l'amour se bat monde s'y attache, l'exhortation ne lui est plus d'aucune utilité. Subhanallah l'adam. Subhanallah. J'ai entendu Malik ibn Dinar dire, lorsque le corps est malade, ni nourriture, ni boisson, ni sommeil, ni repos ne sont d'aucune utilité. C'est vrai. Lorsque quelqu'un est malade, on lui ramène tout ce qu'il aime. D'habitude, il ne veut pas manger. Non, ni boire, ni ni. Mais on est de même pour le cœur. L'amour de ce bas monde s'y installe, ou bien s'y attache. Lorsque l'amour de ce bas monde s'installe dans le cœur du... L'exhortation ne lui est plus d'aucune utilité. Allahu Akbar. Non. Vous avez remarqué, il y a des gens, tu lui parles jours et nuits de l'au-delà, de l'islam, du hadith, de ceci, de cela, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Pourquoi? Son cœur, yani, son cœur a une autre qibla, une autre direction. C'est quoi sa direction? C'est le bas monde. Non, il ne cherche pas l'au-delà. Donc, l'amour de ce bas monde, c'est son cœur au point de l'aveugler. Il ne voit plus, même, il y a ce qui est important et ce qui a rapport avec l'au-delà. Il voit seulement, yani, ce qui rapporte des intérêts dans ce bas monde. Celui-là, l'exhortation, ne lui est plus d'aucune utilité. Parle ou ne parle pas, ça ne va donner aucun résultat. On va citer quelque chose en ce sens ici. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzurun ila al-absarum » Subhanallah al-Azim, Al-A'raf 198. Regarde Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il a dit, il y a certains gens, si tu les appelles vers le chemin droit, tu les vois, ils te regardent, mais ils ne voient pas. Allahu Akbar. Si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Comment ils n'entendent pas? Ils sont sourds. Si, ils entendent très bien. Ils entendent très bien la musique. Non, mais ils savent, il y a une différence entre tel et tel chanteur, tel et tel chanson, et ceci et cela. Mais, ils n'entendent pas la vérité, le haq. Non, non. C'est pour ça que tu les vois, qui te regardent, hein? Ils te regardent avec les yeux. Mais ils ne voient pas avec leur cœur. Non. L'essentiel, c'est pas de regarder. Par, je peux regarder une chose, mais mon cœur n'est pas avec moi. Non. Je dois regarder, voir. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient pas avec leur cœur. Pourquoi? Leur cœur, yani, est installé dans l'erreur. Parce qu'il les a aveuglés. Et aussi dans ce verset, par exemple. Regardez ce verset. Allah Ta'ala dit, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرٌ مِنْ جِنِّ وَالْإِنْسِ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Regardez bien ce verset. Nous avons destiné beaucoup de djinns, d'esprits, pour l'enfer. Pourquoi? Pourquoi je vais les rentrer en enfer? Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux. Même, ils sont plus égarés que les bestiaux. Tels sont les insouciants, le Rafidun. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils vont rentrer en enfer? Car ils ont des cœurs, mais qui ne fonctionnent pas. C'est avec le cœur que tu comprends. Même, tu entends avec l'oreille, mais tu comprends avec ton cœur. Ceux-là, leur cœur s'en scellé. Ils ont des yeux, mashallah, de grands yeux, avec des cils longs, des yeux bleus, des yeux ceci. Mais malheureusement, ils ne voient pas. Ils ne voient pas la vérité. S'ils voyaient une âme, ils auraient une peur de ce qui les a. ils se seraient préparés pour ce jour-là, ce jour qui va venir, Naam. Mais cela, ils ne voient pas. Ils ne voient que, yani, le bout du nez. Ils voient ce qui est plaisir, plaisir éphémère. Voir danser, faire assouvir ses passions, ça s'arrête là, Naam. Ils ont des oreilles, Naam, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas ce qu'il faut entendre avec les oreilles. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé tes oreilles? Pourquoi? Surtout, surtout, pour que tu entendes la vérité. Tu entends ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Ce que t'a dit Allah par le biais de son prophète. Pour connaître ton Seigneur qui t'a créé. Naam. Pour ne pas te rebeller contre ton Seigneur. Mais pour lui obéir. Pour cela, il faut entendre ce qu'il t'a dit. Lui obéir, Naam. Il a dit cela, hein, cela sont comme les bestiaux. Naam, ils sont plus égaux avec les bestiaux. Car les bestiaux, pourquoi? Les bestiaux sont excusés. Sont excusés. Mais ceux-là, ce sont les insouciants. Nous avons destiné pour eux, Naam, l'enfer qui les attend, Audoubillah. Audoubillah. Ensuite, Ad-Dahak. Ad-Dahak, rahimallah, a dit, celui qui possède deux qualités, que celui qui possède deux qualités se réjouisse concernant sa religion et sa vie d'ici-bas. La première, celui qui concernant sa religion regarde vers celui qui lui est supérieur, alors son âme ne cessera d'aspirer à l'obéissance d'Allah. La deuxième, et celui qui concernant sa vie d'ici-bas regarde celui qui est moindre, alors son âme ne s'enorgueillira pas. Naam. Abdahak rahimallah dit que celui qui possède deux qualités, alors qu'il se réjouisse. Concernant sa religion et sa vie d'ici-bas. Concernant sa religion, celui qui, concernant sa religion, regarde vers celui qui lui est supérieur. Alors son âme ne cessera d'aspirer à l'obéissance à Allah. Si tu veux, yani, ta foi monte toujours et ne régresse pas, il faut toujours voir, question d'in, je parle question religion, il faut toujours voir celui qui est meilleur que toi. Comme ça tu vas toujours sentir quoi? De la faiblesse. Tu vas sentir que tu n'es pas à la hauteur. Donc tu voudrais concurrencer pour arriver. Ici, les gens font le contraire. Naam. Tu lui dis pourquoi tu fais pas ceci, tu fais pas mes filles là, pourquoi tu par exemple tu jeûnes pas ceci, cela. Ah, il te dit quoi? Ceux qui sont en dessous de lui. Il te dit, déjà je prie, c'est déjà quelque chose. Il te dit, tu vois pas que la plupart ne prient pas? Tu vois que la plupart boivent de l'alcool? La plupart font la zina, la plupart volent, la plupart. Il te dit, moi, alhamdoulilah, je prie, et de temps en temps je vais à la mosquée, alhamdoulilah. C'est une grande chose. C'est pas vrai. Il a regardé en dessous de lui dans le din, alors qu'il fallait regarder au-dessus de lui dans le din. Contrairement, dans le bas monde, c'est tout à fait contraire. Il a dit ici, celui qui concernant ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il regarde vers celui qui est moindre. Alors ça ne s'enorgueillera pas. Non. Quant à ce bas monde, pas regarder celui qui est plus riche que toi et plus aisé que toi, au contraire, plus démuni que toi. Car si dans ce bas monde tu vas voir celui qui est plus haut que toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir de gros chats dans ton cœur. Tu vas être très déçu. Tu vas dire tout le monde a sauf moi. Regarde ce Richard, Naam, trois étages, sa maison, trois étages, et moi j'ai un studio, il a trois étages. Tu vas être chagriné, Naam. Tu vas ne pas, en ne pensant qu'à ça, tu vas oublier ton din, Naam. Car c'est au détriment, tu penses maintenant, yani, au détriment de ton au-delà, Naam. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un plus haut que toi, tu vas être chagriné. Mais par contre, si tu voyais celui qui était en dessous de toi, qu'est-ce que tu vas sentir? Je suis Masha'Allah. Naam. Car, toi, si tu as une voiture, même ancienne, regarde celui qui n'a pas de voiture. qui marche à pied. Et quand tu passes devant lui, tu le trouves devant l'arrêt, sous la pluie. Alors que toi, tu es dans une voiture, machallah, même si la voiture est ancien modèle ou je ne sais pas quoi. En voyant comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, je suis machallah, moi au moins j'ai une voiture. Lui, il n'en a pas du tout. Moi, au moins j'ai un studio. Lui, il n'en a pas du tout. Il est chez les voisins, ou là, il est chez sa famille, ou là, il a pu là. Moi, ça m'appartient. Donc, il faut voir toujours, ceux qui sont en dessous de toi. Comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas mépriser les grâces d'Allah. Tu ne vas pas mépriser les grâces d'Allah. Si tu vas voir celui qui est plus haut que toi, tu vas mépriser les grâces d'Allah. Tu vas dire, Allah Ta'ala ne m'a rien donné. A'udhu billah. Non. Allah Ta'ala ne m'a rien donné. A'udhu billah. Al-Hassan rahimahullah a dit. Al-Hassan rahimahullah a dit. Ô jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Car nous avons vu beaucoup de ceux qui recherchaient l'au-delà obtenir également la ici-bas. Par contre, nous n'avons jamais vu quelqu'un rechercher le bas-monde et obtenir également l'au-delà. Même des choses qui devraient s'écrire avec quoi? Regardez bien. Ô jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Il n'a pas dit aux jeunes, allez danser. Dancing. Profitez, vous êtes jeunes. Non. Ô jeunes, attachez-vous et recherchez l'au-delà. Ensuite, écoutez ce qu'il dit. Nous avons vu beaucoup de ceux qui recherchaient l'au-delà obtenir également la vie d'ici-bas. Pas jamais nous n'avons vu quelqu'un rechercher ce bas monde et en même temps et également obtenir l'au-delà. Subhanallah l'adim. Regarde, toi, quand tu cherches l'au-delà, de faire des efforts pour l'au-delà, des efforts pour avancer dans le din, des efforts Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, et la plupart du temps, il te donne aussi le bas monde comme récompense. Mon serviteur fait des efforts et su à cause d'arriver, à cause de me ravir. Moi maintenant, je vais le suffire dans le bas monde et lui donner ce qu'il veut. Par contre, il a dit, on n'a jamais vu quelqu'un rechercher ce bas monde et Allah Ta'ala va lui donner en même temps l'au-delà. Par contre, toute personne qui se fixe comme but seulement le bas monde, jamais Allah Ta'ala ne lui donnera l'au-delà. Toujours, il mourira pauvre. Il mourira pauvre en récompense. Quand il se prend à terre, il n'y a rien. Il y a seulement les milliards qu'il a laissés aux héritiers. Mais là, devant Allah subhanahu wa ta'ala, aucune récompense, pas le temps. Il ne pensait qu'à ce bas monde. Alors que, si tu penses à l'au-delà, Allah ta'ala va te suffire le bas monde. Et il va te le donner, bi'idhnillahi ta'ala. Je vous ai cité une fois un verset. Je vais vous le citer, inshallah ta'ala, maintenant. Donnez-moi une seconde. Je vais vous le citer, inshallah ta'ala. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit une seconde ici. Regardez ce verset une seconde. Qui parle de ce qu'on est en train de parler. Une seconde, tchouf. Regardez ce verset, bi'idhnillahi ta'ala. Regardez ce verset. Wa'amur ahlaka bisaliha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquk. Wal'aqibatu littaqwa. On est en train de parler de quoi? Que si jamais tu te fixes comme but l'au-delà, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette dunya, contrairement à ce que si tu te fixes l'au-delà, si tu te fixes le bas monde, il ne te donne pas l'au-delà. Regardez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala. Ordonne à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Nous ne demandons point de nourriture. C'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure? commande à ta famille la salat, occupe-toi du din, famille, occupe-toi du din, et fais-la avec persévérance, en ces moments, etc. Nous ne te demandons point de nourriture, nous ne te demandons point, quoi, de courir dans ce bas monde. Car, quand tu dis à quelqu'un, occupe-toi de ta famille, de la salat, éduque-les dans le din, il va dire, et qui va me nourrir? Je dois aller travailler, je dois courir du matin au soir. Allah Ta'ala te dit, je te suffis la nourriture. Nous ne te demandons point de nourriture. C'est à nous de te nourrir, c'est nous qui nourrissons. Occupe-toi de ta salat, je t'ai dit. Dis à la famille de faire la prière. Occupe-toi du din. Occupe-toi de l'au-delà. C'est nous qui te donnons ce bas monde, bi-idhnillahi ta'ala. Tayyib. Saïd, rahimahullah, rapporte. Saïd, rahimahullah, rapporte. Il a dit, je suis passé chez Ata Suleymi, rahimahullah, qui me dit, il me dit, d'où viens-tu? Je lui ai dit, de chez ton frère, Al-Hassan, Hassan Basri. Il m'a dit, et qu'a-t-il dit? Il a répondu, il m'a dit, ce bas monde est la monture du croyant vers son Seigneur. Et c'est sur elle que le croyant voyage vers son Seigneur. Alors soyez bon envers vos montures et vous parviendrez à votre Seigneur. Naam. Je répète. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit comme recommandation? Il m'a dit, ce bas monde, c'est la monture du croyant. La monture du croyant vers son Seigneur. Et c'est sur elle que le croyant voyage vers son Seigneur. Alors soyez bon envers vos montures et vous parviendrez à votre Seigneur. Naam. Donc, yani, pour arriver, pour voyager, par exemple, autrefois, il fallait quoi? Il fallait la monture. La même chose, ici, dans cette vie, on va faire un voyage. Naam. On va aller où? On est de ce monde vers l'au-delà. On va voyager. Naam. Pour voyager, il faut une monture. Maintenant, la monture. Naam. Il faut quoi? Il faut être bien avec elle, yani, pour qu'elle puisse te faire arriver à ton but. Maintenant, si tu as une monture, tu lui donnes pas, par exemple, à manger, ou bien tu mets sur elle plus qu'elle ne peut prendre. Tu vois quoi? Tu vas la gâcher. La monture peut tomber malade, peut mourir, peu. Donc, et tu n'arriveras pas à bon port. Donc ici, il faudrait être bien avec nos montures pour arriver à notre Seigneur. La monture ici, c'est quoi? Notre monture pour l'au-delà. C'est cette vie. Naam, ce bas monde, c'est un pont. C'est un pont qu'on va traverser. Donc, n'oublie pas dans cette vie de ce bas monde, n'oublie pas d'être bien avec ta monture. Comment on sera bien avec notre monture? En faisant ce que Allah Ta'ala t'a dit de faire, en nous éloignant de ce qu'il nous a yani, interdit. En faisant ainsi, on a bien utilisé notre monture et on va arriver, Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de nous. Maintenant, si on utilisait ce bas monde pour faire le contraire, pour faire les interdits et ne pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, on aura perdu nos montures, on les aura gâchées. Et on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre nous. Sofiane rahimahullah a dit, Sofiane rahimahullah a dit, attache-toi à la modération dans ta vie. Attache-toi à la modération dans ta vie. Et prends garde de rassembler aux puissants. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et les montures. Et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, Bouzakaria, si tu as ça ou tu l'as enlevé. Sofiane, ici, rahimahullah, a donné trois recommandations. On va lire. Inch'Allah, recommandation. Tu l'as pas, ma'alish. On va lire, Inch'Allah ta'ala, les trois recommandations. La première, attache-toi à la modération dans ta vie et prends garde de rassembler aux puissants. Toi, tu écris vite, Ibn Muhammad, tu écris vite. Attache-toi à la modération dans ta vie. Attache-toi à la modération dans ta vie. Et prends garde de ressembler au puissant. Ça, c'est la première recommandation qu'il lui a donnée. Attache-toi à la modération dans cette vie, ou là dans ta vie, naam, et prends garde de ressembler. Donc dans cette vie, inshallah ta'ala, essaye d'être modeste. Essaye d'être modeste. Ne prends pas comme modèle les puissants. Tu voudrais être le plus fort, le plus riche, le plus ceci, le plus cela. Les puissants ne sont pas tes modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été modeste dans toutes choses. Naam. Donc, sois toujours dans le juste milieu si tu veux, inshallah ta'ala, arriver à bon port. Sois dans le juste milieu. Naam. Ensuite, deuxième recommandation, il a dit, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et les montures. Je répète, deuxième recommandation, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux concernant la nourriture, la boisson, les vêtements. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi était. Naam. Il n'était pas luxueux dans toute chose, ni dans sa nourriture, ni dans sa boisson, ni dans les montures. Monture, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur un âne. Est-ce que, par exemple, de nos jours, un président de la République va monter sur un âne? Alors que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est mieux que n'un président de la République. Mais il montait sur un âne, tellement la modestie, tellement la modestie. Donc, attache-toi à ce qui n'est pas luxueux. Si tu vas, Naam, t'habituer aux choses, tu ne jamais vivre année de ce monde. Et on assiste la fois passée. Il a dit, quiconque veut l'au-delà, qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Vous rappelez le hadith authentique. Et quiconque aspire à l'au-delà, alors qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Il n'a pas dit il délaisse le bas monde. Il délaisse la parure de ce bas monde. Celui qui délaisse le bas monde, c'est un fou. On l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Mais celui qui délaisse la parure de ce bas monde, c'est un pieux, c'est un ascète. Attache-toi à ce qui n'est pas luxueux. Concernant la nourriture, la boisson, les vêtements et autre chose. Regardez par exemple, si on prend la nourriture et la boisson. C'est un exemple que je vous donne. Toi, tu es modeste ou là, tu n'es pas riche. Et l'autre est riche. On va prendre X et Y. X est riche, Y ne l'est pas. Ou bien X aime le luxe, Y ne l'aime pas. X va rentrer le soir, dans un resto, il va manger les meilleures des choses. Les meilleures sortes de viande, les meilleures sortes de poisson. Y va à il va bouillir un peu de riz dans une casserole. Ensuite, il le sèche et il le mange. Ou là, il va manger des lentilles. X a mangé quoi dans le resto? Les meilleurs plats. Et l'autre a ou bien un peu de riz. Le lendemain, X et Y se rencontrent. C'est quoi la différence? Non. Y va dire à X, toi hier, tu as mangé ceci, ceci. Qu'est-ce que tu as de mieux que moi? Là, c'est passé, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et encore, qu'est-ce que tu as gagné? Au contraire, peut-être toi en mangeant tout cela, tu as maintenant des problèmes d'estomac. Et moi j'ai mangé un peu de riz, je me suis endormi, mashallah, il n'y a aucun problème. Et la nuit est passée, le jour est passé, et voilà, c'est déjà jour, et comme ça, et demain tu vas dire que X et Y sont morts. Qu'est-ce que tu as gagné en mangeant yani le luxe? Naam. En ce qui s'habille luxueusement, etc. La plupart du temps, il vit pour les gens. Naam. Il vit pour les gens, il a peur des gens. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire comment il s'est habillé comme ça, pourquoi il s'est pas habillé comme ça, et comme ça, ils vont rire de moi. Donc, il vit pour les gens. Moi, je ne vis pas pour les gens. Je vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si en mettant cet habit, je sais qu'Allah ta'ala est ravi de moi, hein? Je m'en fous des autres. Naam. طيب. La deuxième, c'était la troisième recommandation a dit et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance. Je répète, et que ceux que tu consultes soient ceux qui sont pieux, dignes de confiance et craignent Allah Azza wa Jal. Abu Zakaria, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Tu consultes, soit ceux qui sont pieux, dignes de confiance et craignent Allah Azza wa Jal. Ah, il y a comme une sagesse qui dit. Attendez, comment qu'elle dit? Wa la khaba man istasha. Naam. La khaba man istasha wa la nadima man istasha. C'est pas un hadith, hein? C'est une sagesse. Ils disent que celui qui fait la prière de la consultation, jamais, par exemple, il n'est égaré. Ni celui qui demande, yani, l'avis des autres, ni celui qui consulte l'avis des gens. Celui-là, ils disent, il n'est jamais, comment qu'on dit, yani, il ne regrette jamais. Non. C'est pour ça qu'on dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, etc., il a dit, quand on veut faire quelque chose, on fait ça istikhara, et en même temps, s'il y a des gens qui ont rapport avec la chose que je vais faire, qui connaissent bien, il a dit c'est bien de leur demander leur avis. C'est bien de leur demander leur avis. Mais ici, la recommandation c'est quoi? Il a dit, et que ceux que tu consultes, yani, soient des gens qui ont des conditions. Je vais pas consulter n'importe qui. Qu'ils soient pieux, dignes de confiance, et craignent Allah Azza wa Jal. Car dans tes problèmes, si tu vas consulter n'importe qui, il va te répondre de la façon de lui il voit, d'après comment il conçoit les choses, comment il conçoit la vie. Si c'est quelqu'un, par exemple un athée, ou alors un pervers, non, est-ce qu'il va me donner yani, les recommandations qui ravissent Allah subhanahu wa ta'ala? Un athée, un pervers, non, celui-là yani, il n'a jamais pensé à Allah subhanahu wa ta'ala ni à ses préceptes. Donc il va, quand je vais le consulter, il va me donner des recommandations, non, qui peut-être à 90%, sont à l'encontre des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit, tu dois consulter des gens qui sont pieux, dignes de confiance, et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, toujours quand il te donne une recommandation ou un conseil, il a peur de Allah subhanahu wa ta'ala de te tromper. Tu peux tomber chez un pervers, tu lui demandes une recommandation, conseil, il te donne quelque chose de faux. Pourquoi il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala? La perdition. Non? Que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. C'est pour ça que quand je veux consulter quelqu'un, il faut que je choisisse quelqu'un de pieux, de digne de confiance. Et quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Sofiane ibn Uyayna rahimahullah a dit. Sofiane ibn Uyayna rahimahullah a dit. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Abu Zakaria a écrit ça là, je suis sûr que tu ne l'as pas. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Octobre, ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde. Ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. Non. Voilà. Donc, qu'a dit Soufiane Ibn Uyayna? Il a dit, ne fais pas partie de l'amour de ce bas monde que d'en chercher ce qui t'est nécessaire. On a vu tout à l'heure que celui qui voulait l'au-delà, alors qu'il fasse de sorte que l'amour de ce bas monde ne s'installe pas dans son cœur. Car ça peut pas marcher les deux à la fois. Ça, si tu veux l'au-delà, fais de sorte que l'amour de ce bas monde sorte de ton cœur. Mais quelqu'un va dire donc, Comment je vais vivre dans ce bas monde? Je vais vivre dans une cabane, dans une forêt abandonnée? Ici, on te répond. Ça ne fait pas partie de l'amour de ce bas monde si tu cherches ce qui t'est nécessaire. Vous comprenez? Si tu cherches dans ce bas monde des choses qui te sont nécessaires, ça ne se contredit pas avec le fait que tu n'aimes pas ce bas monde. Ça ne se contredit pas. Non. Tu peux détester ce bas monde, mais en même temps, chercher ce qu'il y a de nécessaire dans ce bas monde. C'est pour ça, regardez par exemple ce hadith. Le prophète a dit Thalathatun min sa'ada wa thalathatun min shaqa. Fa min sa'ada al-mar'atu salihah taraha fa tu'jibuk wa taghibu 'anha fa ta'manuha 'ala nafsiha wa malik wa malik. Wa dabba takun wati'atan fa tulhiquka bi ashabik wa ad-dar takun wasi'atan kathirat al-hasan. Undur 3056 Sahih al-Jami'. Regardez ce hadith qui réconforte de dire que les choses nécessaires ne se contredisent pas avec le fait de détester ce bas monde. Regardez ce hadith qui va venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses font partie du malheur. Et trois choses font partie du malheur. Font partie du la femme pieuse. Lorsque tu la vois, elle te plaît. Et si tu es en voyage, elle préserve sa chasteté et elle garde. Deuxième, on fait partie du bonheur, la bonne monture qui court vite et te fait rejoindre les compagnons. Troisième, on fait partie du bonheur, la maison espace d'utilitaire. Ensuite, le hadith est long. Ensuite, il a dit, trois choses font partie du malheur, c'était le contraire de donc ce qui nous intéresse ici. Pour prouver que il est permis dans ce bas monde d'avoir des choses nécessaires. Entre autres, la preuve, il a dit, la femme pieuse, c'est une chose nécessaire pour l'homme dans ce bas monde. La même chose pour la femme. C'est nécessaire pour elle d'avoir un homme pieux. Il a dit, c'est quoi pieuse? Il a dit, si tu l'as. Mais si tu t'aimes, elle préserve sa chasteté. Naam. Alhamdoulillah. Ce n'est pas obligé de téléphoner à chaque instant pour savoir où elle est. Sortie. Peut-être elle est avec Y. Non. Naam. Tu es sûr qu'elle préserve sa chasteté. A'oudou billah. Des gens sont partis, revenus, voyagés, revenus. Ils ont trouvé leur femme avec le voisin. A'oudou billah. Celle-là, non. Elle est masha'Allah. Elle préserve sa chasteté. Et elle dit, est absent. Donc je vais commencer à dépenser. Il ne sait pas ce que je fais. Il est loin. Et elle commence à donner à X, à Y, à acheter n'importe quoi et à, je ne sais pas quoi faire. Deuxièmement, la bonne monture. De nos jours, la bonne monture, c'est quoi? La voiture. Il a dit qu'il court vite. C'est pas dans le sens d'acheter une voiture qui court vite. Mais autrefois, la monture, qu'est-ce qui va se passer? La monture ne court pas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, yani, tu ne vas pas rejoindre tes amis. Tu ne vas pas rejoindre tes compagnons avec lesquels, yani, tu ne vas pas. Yani, pourquoi tu as une monture qui va très lentement? Eux, ils sont. Et toi, tu es derrière. Donc, ça fait partie d'avoir une monture qui va vite, comme ça, pour rattraper les compagnons. Ça fait partie du bonheur d'avoir une voiture. Une voiture qui, yani, tu pourrais avec ta voiture aller visiter la famille, aller au travail, aller rendre visite aux malades, aller chez la famille, comme ça. Non. Et ça fait partie du bonheur, la maison spacieuse. Il n'a pas dit la maison exiguë. Une pièce. Et quand j'ai les voisins, j'ai la famille, j'ai pas où les mettre. Non. J'ai des invités, j'ai pas où les mettre. Une maison spacieuse. Spacieuse, ça veut pas dire. Alors, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que les pièces vides, qui sont vides, il a dit ce sont des pièces, le shaitan vient s'installer. Non. Mais, yani, spacieuse, ça veut dire une grande maison, masha'Allah. Une grande maison. Non. Il a dit plein d'utilitaires, plein de choses utiles. Les choses utiles, donc, ce sont des choses nécessaires qui ne se contredisent pas avec le fait que je n'aime pas le bas monde. Est-ce que c'est possible à quelqu'un, par exemple, dans un pays chaud, de vivre, par exemple, d'avoir une maison qui n'a pas un climatiseur? Est-ce que c'est possible, par exemple, d'habiter en Arabie Saoudite ou bien au Koweït ou bien aux Émirats et de vivre sans climatiseur? C'est possible de nos jours? Même peut-être en France. Avec ce qu'on rend de... Je sais pas comment ça s'appelle, le truc là... Ou le trou qu'il y a dans le ciel. Je sais pas comment il s'appelle, quoi. Le trou qu'il y a dans le ciel. Maintenant, on dit que... Plus maintenant les années vont venir, plus il va y avoir beaucoup plus de fois. L'ozone, voilà. Avec le trou de, dans la couche d'ozone. Maintenant, toutes les années qui vont venir, plus comme autrefois. Et subhanallah al-adhim, je l'ai remarqué chez nous en Algérie, jamais on avait besoin de climatiseur. Et encore moins de climatiseur dans la voiture. Encore moins. Non, dès que tu ouvres la vitre, mashallah, c'est la brise. Il fait froid. Maintenant, en été, en Algérie, si tu n'as pas le climatiseur dans la voiture, c'est vraiment difficile. Alors, qu'en est-il dans le Sahara, qu'en est-il dans les pays du Golfe? Donc, conclusion, les choses nécessaires dans la maison, comme le frigo, comme climatiseur, comme les trucs là nécessaires, ne se contredisent pas avec le fait que je hais, yani, la parure de ce bas monde. Naam. Bilal ibn Sa'd, rahimallah, a dit, suffit comme péché, qu'Allah Ta'ala nous encourage à nous écarter de ce bas monde et qu'ensuite nous le désirions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Par Allah, il a juré. Suffit comme péché. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage au bas monde et qu'ensuite nous courions derrière lui et nous le désirions. Il a dit ça suffit comme péché. Allah subhanahu wa ta'ala t'encourage dans beaucoup de versets de t'écarter ce bas monde, de ne pas t'y attacher. Et toi, et moi bien sûr, on court derrière le bas monde car on le désire. Notre cœur t'y installe. Il a dit, ça suffit, bi'idnillahi ta'ala comme péché. Allah Ta'ala, si je cite un ou deux versets seulement, a dit, en parlant du bas monde, Ya ayyuhan inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakum wa la gharur. Oh, homme, grâce d'Allah, et vérifiez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le témoin, oh homme, la promesse d'Allah, c'est une vérité. Attention, ne laissez pas le bas monde vous tromper. Naam, on ne doit pas être trompé par le bas monde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, je vous l'ai cité la fois passée, « Dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha, illa dhikrallah wa mawala wa amu ta'aliman. » Qala Sheikh al-Albani Hassan. Hadith 1000 al-Jami'. Le prophète a dit, certes, ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qu'il contient. Tout ce qu'il contient est maudit, sauf dhikr Allah, la mention d'Allah, et ce qui suit la mention d'Allah comme pratique religieuse, et sauf un savant et un étudiant. Naam. Ce bas monde est maudit avec tout ce qu'il contient, sauf ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le savant, car il est toujours en contact avec les préceptes d'Allah. Et il est toujours en train de propager et d'illuminer les gens. De propager les préceptes et d'illuminer les gens. Et l'étudiant. Celui qui demande la science, naam, il sort. Il est excepté de du maudissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Pourquoi? Car celui-là, il est en train de se rapprocher de son Seigneur Azza wa Jalla. Hamad ibn Waqid, rahmallah, a dit... J'ai entendu Malik ibn Dinar dire, les gens disent de moi que je suis un ascète. Mais le véritable ascète, c'est Omar ibn al-Abdelaziz, rahimahullah, auquel ce bas monde s'est offert, mais qu'il a délaissé. Rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Malik ibn Dinar dire, les gens disent de moi que je suis un ascète. Mais le véritable ascète, c'est Omar ibn Abdel Aziz, auquel ce bas monde s'est offert, mais qu'il a délaissé. En fait, le vrai ascète, c'est qui? C'est pas celui qui n'a rien, mais celui qui a tout, mais le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Celui qui ne peut pas dire pourquoi. Car toi, tu délaisses, car tu n'as rien. Mais attends, on va te tester. On va t'enrichir, et on va voir si tu peux devenir ascète. Par contre, Omar ibn al-Aziz, ibn Abdelaziz, rahimahullah, le monde s'est offert à lui. Naam. Mais il l'a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le vrai ascète. C'est là que on peut dire d'une personne qu'elle est ascète. Si elle a le bas monde et elle le délaisse. Et non pas quand elle est pauvre. Et non pauvre. Maslama ibn Abdul Malik rapporte, il a dit, je suis entré chez Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu et sa tunique était sale. Alors j'ai dit qui était la sœur de Maslama. Il lui a dit, lave-la. Et elle répondit, nous le ferons, Inch'Allah, nous le ferons. Il a dit, puis je suis revenu. La tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit, par Allah, il n'a pas d'autre tunique que celle-ci. Naam. Maslama ibn Abdul Malik rapporte, il a dit, je suis rentré chez Omar et sa tunique était sale. Omar, c'était, je pense pas que c'est Omar ibn Khattab, c'est ibn Abdul Aziz. Naam. Et sa tunique était sale. Il dit alors à son épouse, qui était la sœur de Maslama, il lui a dit, lave-la. Inch'Allah ta'ala, nous allons le faire. Puis je suis revenu et la tunique était toujours dans le même état. Je lui fis la remarque et elle dit, par Allah, il n'a d'autre tunique que celle-ci. Par Allah, c'est tout ce qu'il a. Si je lui enlève sa tunique pour la laver, il va rester nu. C'est pas possible. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a. C'est pour ça que tu la vois sale. Malik ibn Dinar, rahimahullah, rapporte. Il dit, il y a des années où je ne mange pas de viande, si ce n'est de ma bête, le jour du sacrifice. Il y a des années que... Il y a des années où je ne mange pas de viande, si ce n'est de ma bête le jour du sacrifice. Parmi les selfs, il y avait des gens qui pouvaient rester une année sans manger de viande. Ils ne mangent que le jour du sacrifice. Non. Là, j'ai une question. Est-ce que Malik ibn Dinar, qui restait des années sans manger de viande, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Il est mort. Est-ce qu'il est tombé malade? Il n'est pas tombé malade. Non. Il ne mangeait que le jour du sacrifice. C'était l'occasion. Sinon, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Ou s'il y en avait, peut-être qu'il voulait devenir ascète. Mais, yani, ce que je veux dire, quelqu'un qui ne mange pas de viande ou ne mange pas souvent ne meurt pas. Ne meurt pas. Non. Soufiane dit. Bon, on va sauter ça. On va terminer le temps par celle-là, Inch'Allah. Abu Zakaria, tu as volé, hein? Hamad ibn Ziyad rapporte. Il a dit, un homme demanda à Muhammad ibn Wasi'. Il lui demanda, adresse-moi une recommandation. Il lui dit, écoutez cette recommandation. Si quelqu'un va demander, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas demander un conseil à quelqu'un qui n'est pas pieux, qui ne craint pas Allah, qui est pervers. Supposons, je vais demander à un pervers de me donner une recommandation. Qu'est-ce qu'il va me dire? Écoute, je te conseille, Naam, de voir comment essayer de remplir tes poches au maximum. La vie de nos jours est difficile et ça ne pardonne pas. Naam. Si tu peux, yani, comment voir comment t'enrichir par tous les moyens. Il faut pas dire c'est haram, hein? Faut pas suivre les barbus qui disent c'est haram. Non, il n'y a pas de haram de nos jours. L'essentiel, c'est d'avoir les poches pleines. Comme ça, tu peux profiter, toi et ta famille. Rien ne vous manque. Naam. Voilà, peut-être comme ça, ils vont me donner yani, comme recommandation. Naam. Regardez le self, qu'est-ce qu'il va lui donner comme recommandation. Il a dit, je te recommande d'être un roi en ce bas monde et dans l'au-delà. Je te recommande, naam, je te donne comme conseil d'essayer d'être un roi, de devenir un roi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il a dit, comment? Que dois-je faire? Écoutez la réponse. Écarte-toi de ce bas monde. Écarte-toi de ce bas monde. Subhanallah al-Azim. Si tu veux devenir roi, un roi, un vrai roi, dans ce bas monde et dans l'au-delà, dans les deux, hein? Naam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écarte-toi seulement de ce bas monde. En oubliant ce bas monde. Quand je ne le laisse pas rentrer dans mon cœur pour s'y installer, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devenir un roi. Je vais vivre comme un roi. Un roi dans ce bas monde et un roi dans l'au-delà. Dans l'au-delà, l'au-delà, car, comme j'ai cité le hadith, le prophète a dit, quiconque veut l'au-delà, qu'il délaisse la parure de ce bas monde. Est-ce que vous m'entendez? Fawzi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Quiconque veut vivre comme un roi dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il s'écarte de ce bas monde. Naam. Si tu t'écartes pas de ce bas monde et tu t'impliques à fond, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir l'esclave de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Qatifa, Ta'isa Abdul Khamila. Et comme ça, il a dit malheureux l'esclave du dinar, le serviteur du dinar, le serviteur du dirham de nos jours, l'esclave de l'euro, l'esclave du dollar. Non, il a dit malheureux il est devenu un esclave. C'est comme s'il adorait, il adore l'argent, il adore l'euro, non, il adore le bas monde. Si tu veux, donc celui-là c'est quoi? C'est un esclave. Maintenant moi je t'apprends comment devenir roi, pas esclave. Affranchis-toi, non, écarte-toi de ce bas monde. Ne prends de ce bas monde que ce qui est nécessaire pour que tu vives. Mais plutôt, construis ton au-delà. Comme dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Quiconque dit subhanallah ou bihamdi ou bien subhanallah, on lui plante un palmier dans le paradis. Et dans le hadith authentique que je vois ici, Cheikh Al-Albani a dit authentique ou bien hassan. Man kant l'akhira hamma, quiconque dans l'au-delà, c'est son chagrin. Quiconque qui ne pense qu'à l'au-delà. Ja'ala Allah ghina fi qalbih. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur. Naam. Wa jama'a lahu shamlah. Et il va lui grouper yani sa famille. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Et cette dunya, ce bas monde va lui venir yani de force, même si lui ne veut pas, le bas monde ne veut pas. Naam. وَمَنْ كَانَتْ دُنْيَا هَمَّهُ. Et quiconque, ses soucis, c'est ce bas monde, جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la pauvreté entre ses yeux. وَفَرَّقَ عَلِي شَمْلَهُ. Et va lui disperser sa famille. وَلَمْ يَأْتِهِمْ مِنْ دُنْيَا إِلَّا مَا قُدِرَ لَهُ. Et ne va lui venir de cette dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit. Barakallahu fik ibn al-Qayyim pour ce hadith. Si je l'avais en mémoire, je l'aurais écrit yani, avant le cours. Ibn Muslim, Ibn al-Jazayri, traduit inshallah ta'ala, écrit, il est très important le hadith, écrit. Quiconque fait de ce bas monde ses soucis. Quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis. Et ce hadith, si quelqu'un, vous tous, si vous pouvez l'écrire tellement il est important, subhanallah al-Azim, si on pouvait l'écrire en or, comme j'ai dit, subhanallah al-Azim, et le mettre comme ça, toujours entre nos yeux, pour ne pas l'oublier. Al-Jazayri, tu écris, Inch'Allah, quiconque fait de ce bas monde ses principaux soucis, est-ce que tu es là, Abu Zakari? Est-ce que tu es là? Naam, tu m'as entendu? J'ai dit, si tu pouvais écrire, je te dis, et toi tu écris. طيب معليش راك تكتب دونك tu as ton compte termine le hadith je voudrais que tu écrives à chaque fois voilà quiconque fait de ce bas monde son principal souci alors qu'est-ce qui va lui arriver qu'est-ce qui va lui arriver ja'ala Allah ghina fi qalbih alors Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa richesse dans son cœur Ibn al-Qayyim réaffiche le hadith, barakallahu fik, pour qu'il ne monte pas. Jazakallahu khairan, quiconque fait de ce bas monde son principal souci, Allah Ta'ala va faire, yani, va mettre sa richesse dans son cœur. Il va voir qu'il est le plus riche. Pourquoi? Pour avoir mis ce bas monde, yani, son principal souci. Tayyib. Abu Zakaria, où est-ce que tu es? Quiconque fait ce bas monde son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Première récompense, il va mettre la richesse dans son cœur. Deuxième récompense, wa jama'a Allahu shamlahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui regrouper sa famille. Et Allah ta'ala va lui regrouper sa famille. Voilà, quelqu'un va dire comment? Qu'est-ce que ça a rapport avec regrouper la famille avec je fais de ce bas monde mon principal souci? Son principal souci. Asma. On s'est trompé, personne n'a remarqué. Allahu Akbar. C'est le contraire. Quiconque fait de l'au-delà son principal souci. C'est pas le bas monde, hein, cher. Naam. Quiconque fait de l'au-delà son principal souci. Alors Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Et va lui regrouper sa famille. Quelqu'un va dire comment, pourquoi quand je mets l'au-delà dans mon cœur et c'est mon principal souci, Allah va mettre la richesse dans mon cœur. Bon, ça c'est clair. Mais comment il va regrouper ma famille? On va dire maintenant que tu as mis ton principal souci l'au-delà, tu ne vas plus courir comme un chien. Pardon l'expression. On va plus courir comme un chien. Derrière, yani, derrière la proie. Donc, maintenant, quand je cours pas, je suis avec ma famille, je sais ce qui se passe. Allah Ta'ala va me regrouper ma famille. Mais maintenant, si je sors à 5h du matin et je viens à 22h, est-ce que je vais savoir où est mon épouse, où est-ce qu'elle est sortie pendant la journée, où est-ce qu'elle est allée, où est ma fille, où est mon fils? Je sais pas ce qui se passe. Moi, je cours derrière la vie, du matin au soir, derrière le bas monde. Et des fois, je suis en voyage. 4, 5, et je ne sais pas ce qui se passe chez moi. Si les enfants prient ou ne prient pas. S'ils vont, je ne sais pas, à la mosquée ou au bar, je ne sais pas. Et ma famille est dispersée. Naam. Mais quiconque fait de l'au-delà son principal souci, Allah va mettre sa richesse dans son cœur. Naam. Il va sentir qu'il est plus riche, même s'il est pauvre. Il va lui regrouper la famille. Et troisièmement, naam, il dit... Et Allah Ta'ala va lui ramener la dunya entre ses pieds, entre ses mains. Il va la lui faire incliner. Il va lui faire prosterner la dunya devant lui. Naam, écrit. Il va lui faire la dunya. Il va lui ramener la dunya entre ses mains. Naam, c'est comme on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Si tu mets l'au-delà dans ton cœur, la dunya va venir incliner entre tes mains. Subhanallah al-Azim, une récompense d'Allah. Mais le contraire n'existe pas. Si tu mets la dunya dans ton cœur, il n'y a pas d'au-delà. Tayyib, et maintenant, écris maintenant, et quiconque fait son principal souci, la dunya. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. On va voir le châtiment, qu'est-ce qui va se passer. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Écris cette phrase. Et quiconque fait de la dunya son principal souci. Ahsant. Ja'ala Allah faqrahu bayna 'aynayhi. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Premier châtiment. Allah va mettre sa pauvreté entre ses yeux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je connais des gens, je ne vais pas citer c'est qui, des couples. Lui, il travaille et sa femme travaille. Jamais ils te disent, on est bien. Il travaille lui, mashallah, une paye mashallah. Et elle, enseignante, la paye mashallah. Alors ça va, ça va pas, on peut pas payer l'électricité, on peut pas payer ceci, cela, on se permet pas ceci, cela. Subhanallah al-Azim. Et qu'est-ce que tu fais des gens qui travaillent pas? Qu'est-ce que tu fais des gens qui travaillent pas et qui ne disent jamais ça, qui se sentent mashallah? Donc toi, tu as fait de la dunya ton principal souci. Alors Allah Ta'ala a mis la pauvreté entre tes yeux. Tu sens que tu es toujours pauvre alors que tu es riche si tu le savais. Naam. Premier châtiment. Deuxième. Wa farraqa 'alayhi shamlah. Et lui disperse sa famille. Allahu Akbar. Et lui disperse sa famille. Tu veux courir après la dunya du matin au soir. Je vais te montrer ta famille, qu'est-ce qui va lui arriver. Allah Ta'ala va lui disperser sa famille. Il lui disperse sa famille. A'oudou billah. C'est peut-être l'un des grands châtiments. Naam. D'avoir permis à la dunya de s'installer dans ton cœur. Regarde maintenant comment tu vis. Naam. Tu ne sais rien à propos de ce qui se passe à propos de ta famille. Encore moins. Yani, tu t'occupes d'eux et tu les éduques. Encore moins. Naam. Troisième châtiment. Et tu n'as que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Tu n'auras de cette dunya que ce que Allah Ta'ala t'a écrit. Donc en fait, tu t'es fatigué pour rien. Naam. Tu t'es fatigué pour rien. Tu as couru pour rien. Tu as dispersé ta famille. Et tu n'auras de cette dunya que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, de ce que fait le shaitan. Naam. Comment qu'il nous embellit la dunya pour nous faire courir du matin au soir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. De cette dunya qui veut quoi? Qui veut nous tromper. Et nous faire oublier notre au-delà. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais prier à la maison parce qu'il pleut. Donc on va se rencontrer dans 10 minutes, un quart d'heure. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saute, ikhwa. Malik assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi muslim. Tafaddal akhi. C'était juste pour avertir les frères et sœurs donc que pour poser une question, il faut lever la main dans ce salon. Il me semble qu'il y a déjà énormément de mains levées, donc ça sera un peu court pour ceux qui vont lever la main maintenant. Et je vais passer prendre les questions, Inch'Allah, dans un instant. Et ceux qui ont une question sur le cours, donc sur le cours d'aujourd'hui, sur l'ascétisme, il faut lever la main dans le salon qui s'appelle « J'apprends l'islam sur la vraie voie bis ». Il faut lever la main et le frère Fauzi va venir prendre les questions, Inch'Allah. Et on les lira quand Shir sera présent. Barakallahu fikoum, nous ouvrir vos PV. Et d'essayer de faire en sorte que votre question soit concise, claire, avec un peu de ponctuation pour nous aider également. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khair. Le cours va reprendre, Inch'Allah, dans une dizaine de minutes, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Je voulais juste vous de rappeler, je voulais juste rappeler qu'il faut m'ouvrir les PV pour que je puisse venir prendre la question. Parce que j'ai déjà quelques PV qui sont fermés. Barakallah fait comme les ouvrir pour que je prenne la question. Les Thamoud par leur Désolé de reprendre le micro, c'était juste pour dire que je reçois toutes les questions, je ne peux pas répondre parce que je suis débordé, mais je les ai bien reçues. Barakallahu fikoum. Faciliteront la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense d'Allah. Et traite de mensonge la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et ses richesses ne lui serviront à rien quand il sera jeté au feu. C'est à nous certes de guider. À nous appartiennent certes la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Où ne brûlera que le damné. Qui dément et tourne le dos. Alors qu'en sera écarté le pieux. Qui donne ses biens pour se purifier. J'ai la plupart des questions, enfin pas la plupart, j'ai pas mal de questions, alhamdoulilah. Mais je tiens aussi à rappeler qu'il est possible de poser des questions sur le cours pour ceux qui en ont. Dans le salon, j'apprends l'islam sur la vraie voie bis. Donc ceux qui ont des questions sur le cours et uniquement sur le cours, donc là, on fait comme de vous rendre sur ce salon-là, le salon bis, et de lever la main là-bas. Donc là, on fait comme. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense qui ne sera pas amoindrie. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? La sourate l'a destinée. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est bon, inchallah? Est-ce que le son est bon, inchallah? Tfadl, inchallah ta'ala, pour la première question. تفضل إن شاء الله تعالى pour la première question. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, je tiens juste à dire, je n'ai pas répondu aux personnes, mais j'ai bien reçu toutes les questions de ceux dont j'ai baissé les mains. إن شاء الله. Et je passe à la première question en commençant par une question du cours, cher. Question d'une sœur qui demande. Fidakumullah, cher, j'ai lu il y a longtemps une parole d'un des salafs concernant le fait de construire des demeures dans cette dunya. Il me semble que cette parole disait, dans le sens, que construire une demeure dans cette dunya est semblable à construire sur une vague ou quelque chose de semblable. Wallahu a'lam. Je ne trouve plus cette parole. Est-ce que vous la connaissez? Barakallahu fikum. Et j'en profite, cher, pour vous dire de m'ouvrir votre PV pour que je vous envoie les questions, inchallah. Et je vous ouvre le mien, plutôt écrivez un, inchallah. Walaikum salam, rahmatullah. Je ne me rappelle pas. Non. Je ne me rappelle pas de la parole de ce savant. Mais c'est comme il a dit. C'est comme il a dit. Yani, quand tu construis une demeure dans cette dunya, il faut mettre dans ta tête que c'est quelque chose de, comment on dit le mot, c'est quelque chose de momentané. C'est pour ça qu'il ne faut pas y accorder beaucoup d'importance. Car tu dois la laisser partir. Éphémère, nam, fugace. Quelqu'un qui construit quelque chose sur une vague, est-ce que ça va durer? La même chose. Le croyant, c'est comme ça qu'il doit, c'est comme ça son comportement envers cette dunya. Il ne lui fait pas confiance. Il se dit toujours, d'un moment à l'autre, je peux partir et la laisser. Donc pourquoi m'investir? Pourquoi m'investir à fond dans quelque chose que je vais délaisser tôt ou tard? Quant à la parole du savant exactement, je m'en rappelle pas. Naam, tfadlal. Chérie, est-ce que vous m'entendez parce que je n'ai pas de micro à côté de mon nom? Subhanallah, je ne vois même pas mon nom inscrit dans la liste. Inch'Allah. Donc si vous entendez, je vais lire la question. Et comme elle est longue, chérie, je vous redemande de confirmer que vous m'entendez. Écrivez un chérie si vous m'entendez, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc la question d'une sœur qui vous dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah, Wassalat Wassalam ala Rasulillah, Amma Ba'd. Ma question concerne le sitar. Je suis une sœur, Alhamdulillah, qui fils Abilillah porte le sitar. Seulement je reçois énormément de conseils stipulant de l'enlever car nous sommes en France. De plus, je vous ai entendu donner comme mise en garde l'ostentation et la renommée. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Vous avez donc donné cette mise en garde à un frère se laissant pousser les cheveux pour se rapprocher de la ressemblance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui me remet beaucoup en question, malgré que j'invoque contre cette turpitude. Car sachez que je suis la seule dans ma ville et ses alentours à porter sitar, Wallahu a'lam. J'endure toutes les critiques et pressions quand je fais mes courses seulement. Mais alhamdoulillah, je le vis comme une épreuve d'Allah Azza wa Jal. C'est même une manière de me rapprocher d'Allah Ta'ala, car le stress que j'éprouve me permet de me rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, car dans ma tête, ma bouche et mon cœur, il n'y a que lui, Latif Ta'ala, dès que je sors de chez moi par les du'as, le dhikr, le Qur'an que je révise, alhamdoulillah. Maintenant, j'aimerais des conseils de votre part, bi'nillah Ta'ala, sur le port du sitar, aussi, m'est-il permis de porter un masque chirurgical, donc les masques antibactériens comme les infirmiers et autres dans les hôpitaux, cher, qui cache le dessous des yeux, donc des yeux jusqu'au menton, à la place du sitar, quand je vais faire mes courses, afin de ne pas subir la pression des responsables du magasin qui me menacent d'appeler la police et me demandent de quitter les lieux. Jazakumullah khaira, pardon pour l'étalage. Aussi, Cheikh, êtes-vous d'accord pour qu'on diffuse vos cours dans d'autres salons? Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Abou Zakaria, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Je vais vous Zakaria. La question commence ainsi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد كالله عز وجل nous pardon etc. Toi bien sûr toi pour ne pas يعني pour gagner un peu de temps tu as sauté un peu et tu as sauté quelque chose d'essentiel tu as sauté quand Allah sera dit والصلاة والسلام على سيدنا محمد tu as sauté سيدنا Tu as dit au salat salam ala Muhammad. N'est-ce pas? Je sais que c'est pour gagner le temps. Mais en fait, si tu avais remarqué une chose, si tu avais lu wa sayyidna, c'est mieux en ce sens que c'est pour corriger. Pour dire à cette sœur que. Voilà. Pour dire à cette sœur que quand on veut faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas sayyidna. Même si lui, yani c'est sayyiduna. Vous comprenez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sayyiduna. Mais malgré cela, il n'y a pas dans la sunna. Quand tu dis Masalli wa sallam ala Rasulillah, de dire Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Rasulillah. Donc c'est une remarque, yani, on n'est pas comme les gens qui tu leur dis comme ça, ils vont dire donc toi tu es contre le prophète, donc toi tu n'aimes pas le prophète, donc toi tu dis qu'il n'est pas Sayyidina. Non, au contraire, moi je dis qu'il est Sayyiduna, c'est notre maître, et tellement il est Sayyiduna, tellement il est notre maître que je lui ai obéi. Je lui ai obéi au point où, puisque lui, il n'a jamais dit de lui, Sayyiduna comme ça dans la formule, moi aussi je ne la dis pas. Et toi, c'est pas la sœur, c'est-à-dire toi qui essaie de me contrer, qui dit par exemple, tu es contre le prophète, je te dis, c'est toi qui es contre le prophète. Non, c'est toi qui, ça me prétend l'aimer plus que les autres, tu ajoutes des choses. Vous avez compris? Donc je dis à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, dans la formule, il n'y a pas Sayyiduna. Ma'alish. Ensuite, Nam, je dis que cette sœur est dans un djihad. Nam, cette sœur et tous ceux qui sont dans son cas sont dans un djihad. Vous êtes en train de faire le djihad. Nam, vous n'avez pas, yani, c'est pas obligatoire pour vous de faire le djihad avec les armes. Vous le faites maintenant avec les tenues, etc. Et bien sûr, on doit accepter ce qui nous arrive, ce que disent les gens, etc., etc. Ça rentre tout ça dans le djihad, et elle-même, elle raconte qu'elle dit que, alhamdoulilah, c'est aussi une façon, yani, de fortifier sa foi, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Reste maintenant, si vraiment elle dit à la fin, si elle dit que, est-ce qu'elle pourrait mettre, ce qu'elle dit là, une seconde, un masque chirurgical ou quelque chose comme ça, là, quelque chose, je lui dis, si elle met ça, dans la daroura, pour ne pas être agressé, pour ne pas être frappé, pour ne pas appeler la police, et que en même temps ça cache, yani ça cache, comme cache le sitar, dans ce cas, yani inchallah, si elle est dans la daroura, dans un pays de kofar, etc., je pense, Allah ta'ala alam, qu'elle a yani une quoi, qu'elle a une permission, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam, tfaddal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit ma question. Non, ma foule, car j'avais pris le micro. Et toi aussi, tu l'as pris en même temps. Non, pour ne pas revenir sur la question, j'ai dit, et pour les cours, la diffusion des cours, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème pour celui qui veut diffuser, fi sabilillah, pas en contrepartie, yani de choses matérielles. Et ensuite, dis-moi, Abou Zakaria, est-ce qu'il n'y a pas de coupure dans le sang? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Tfadlal. Alhamdulillah, cher, le son jayid jiddan, masha'Allah. Barakallahu fikoum, cher. Donc, question de la sœur qui dit: ma question est, comment sortir de la dounia de nos cœurs? Parfois, je peux avoir des. J'ai pas compris le terme, si c'est ouswas ou là, des excès, comme acheter des vêtements alors que je pense avoir ce qui me suffit. Fait-il partie d'aimer les parures de ce bas monde, même pour plaire à son mari? Comment sortir la dounia de nos cœurs? Est-ce qu'on doit dire aussi Inna al-aish, Inna al-aish al-akhira? À chaque fois qu'on voit quelque chose qui nous plaît de ce bas monde, Barakallahu fikoum cher, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins et ceux qui vous écoutent. Je dis naam, comme salam, quand la personne a ce qui lui suffit comme vêtement, ce n'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, d'acheter d'autres. J'ai comme vêtement qui me suffit. Pourquoi yani, maintenant aller yani, m'approfondir dans des choses qui ne sont pas, yani, qui sont pas obligatoires. Reste pour le mari, ça ne fait rien. Si la femme achète des choses qui, elle sait qu'en mettant ces choses devant son mari, elle va lui plaire, dans ce cas, ça ne fait rien, car c'est pour attirer l'amour de son mari, et ça, c'est une chose demandée même dans la religion. Naam. Reste pour la phrase Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Cette phrase-là dite le prophète Aslam, mais on ne la dit pas chaque fois qu'une chose nous plaît dans le monde. Non, on ne la dit pas chaque fois. Mais on la dit comme ça de temps en temps quand on l'a dans le cœur ou là sur les lèvres. Sinon, il ne faut pas la dire à chaque fois comme ça. Non, car les salafs ne le disaient pas chaque fois comme ça. Non. Mais si on le dit comme ça de temps en temps, ou bien on pense à ça dans le cœur, c'est bien. Non. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Question d'un frère ou d'une sœur, Allahu alam, qui dit: qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que les admins et tous ceux qui suivent vos cours. Ma question est: j'ai accompli le tawaf lors de la Umrah, alors que j'étais indisposé et que je le savais. Existe-t-il une expiation pour cette faute? Hafidhakumullah jami'an wa barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Comme vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, quand elle était indisposée dans le Hajj, il lui a dit tout ce que fait le Hajj, sauf que ne fait pas le tawaf. Les savants ont dit. Quand une femme est par exemple au Hajj et que yani, c'est le moment de faire le tawaf, etc., et que elle est posée, mais qu'elle n'a pas d'autre solution, c'est-à-dire par exemple, c'est demain qu'elle doit prendre l'avion, elle est indisposée. Maintenant, si elle ne fait pas le tawaf, hein, et elle va prendre l'avion demain, ils ont dit, ça veut dire que elle n'a pas terminé son Hajj. Ça veut dire qu'en allant chez elle, jamais, yani, projet. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours en Hajj jusqu'à ce qu'elle revienne l'année prochaine ou bien dans 3, 4 ou 10 ans pour terminer son Hajj pour que son mari puisse l'approcher. Donc, imaginez qu'une femme fasse comme ça et qu'elle aille chez elle en France et il reste 3, 4 années sans que son mari l'approche. Donc, dans ce cas, ils ont dit c'est permis, C'est Ibn Taymiyyah qui l'a dit, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Baz, Cheikh Ibn al-Taymiyyah. Ils ont dit dans ce cas, c'est permis qu'elle fasse le tawaf en état d'indisposition ou la d'indisponibilité, mais ça rentre dans la darura. Car elle n'a que l'une des solutions. Ou bien faire le tawaf en monstrueux, c'est pas de sa faute, ou bien aller dans son pays et rester comme ça des années sans, en état de sacralisation. Et sans permettre à son mari de la toucher. Vous savez que l'islam voit toujours le moindre mal. Et le moindre mal, c'est de faire le tawaf indisposé. Donc la sœur ici n'a pas précisé si elle l'a fait dans un état, yani de, comme je viens de le dire, de darura, ou bien elle l'a fait seulement comme ça. Si elle l'a fait comme, seulement comme ça, je pense, Allah Ta'ala, qu'il y a une expiation, mais je ne suis pas sûr ça. Est-ce que c'est seulement la tawba, ou bien. Par exemple, elle doit, yani, etc. Je lui rends, inshallah ta'ala, la réponse samedi, bi'idhnillahi ta'ala. N'oublie pas, Abu Zakaria, de noter, inshallah ta'ala, yani, la question. Fadal. Barakallahu fikoum, cher, question suivante d'une sœur qui dit, cher qu'Allah vous préserve ainsi que les admins. Je voulais savoir, est-ce que le fait que j'aime souvent m'acheter des habits ou du maquillage, etc., dans le but uniquement de m'embellir pour mon mari, fait partie du fait de s'acheter de s'attacher à la dunya? Donc, Cheikh a déjà répondu à celle-ci, donc je vais passer à une autre question, Inch'Allah. Désolé, je découvre les questions en même temps que vous, Cheikh, comme je suis tout seul ce soir. La question suivante d'un frère qui dit, est-ce qu'avoir beaucoup de qamis et de parfums va contre l'ascétisme? Et comment se comporter avec les personnes âgées? Ah, bon, je ne peux prendre qu'une seule question. Barakallahu fi kari. Donc, pour la première question, j'ai répondu que quand c'est pour plaire au mari, que ce n'était pas interdit. Que c'était même bien. Que c'était même bien. D'ailleurs, pour le frère, Inch'Allah ta'ala, avoir beaucoup de khamis et de parfum, si c'est beaucoup de khamis, yani au point où la personne change matin et soir, comme ça, yani ce n'est pas bien dans le sens que ça va contre, yani à l'encontre de l'ascétisme. Mais si je veux dire par beaucoup, car c'est relatif, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Chez quelqu'un, par exemple, 5 c'est pas beaucoup, chez l'autre, 3 c'est beaucoup, et comme ça. Non, mais s'il veut dire par beaucoup que yani il a un certain nombre de ramis pour que chaque semaine yani il change, il ne se trouve pas yani, il se trouve pas comment qu'on dit yani dans la daroura, des fois il dit j'ai pas quoi mettre, mais alhamdoulilah il y a un ramis ou deux qui sont yani en plus dans l'armoire pour les mettre. Dans ce cas, inchallah ta'ala, ça va pas contre l'ascétisme. Et c'est bien de mettre le parfum. Le prophète sallam, on ne le sentait qu'avec un bon parfum. Non, pour le parfum, inshallah ta'ala, ça ne rentre pas. Yani, sauf si tu veux dire par parfum, yani, le parfum cher, yani, Christian d'or, ou la Christian Dior, ou la, je ne sais pas comment ça s'appelle, et Givenchy, ou je ne sais pas quoi. Mais si tu veux dire par parfum, des choses modestes, et le musc, etc., pour, yani, appliquer le verset Dior, alhamdoulilah, pour appliquer le verset, prenez Qudouzin atakoum en kulli masjid. Prenez votre parure dans chaque soujoud, chaque prière. Dans ce cas, si c'est avec cette intention, c'est bien, Inch'Allah ta'ala. Wa ala alam, tfadl. Naam, pour... Ensuite, il y avait une deuxième question que le frère l'a déjà posée. On ne va pas le laisser revenir comme ça les mains vides. Il a dit comment se comporter avec les personnes âgées qui suivent l'imam de notre mosquée, qui est un Ikhwani Soufi, sachant qu'ils ne prennent pas le conseil. Naam, dans ce cas, c'est très difficile. Naam, c'est très difficile de vouloir ou d'essayer de les convaincre, alors que lui, il a le micro, il a le mimbar, il a les doros, il a ceci, il a cela. Naam, toi, Inch'Allah ta'ala, tu patientes. Tu patientes pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais la da'wa aux jeunes, à ceux qui comprennent. Naam, un vieux. C'est un peu trop tard pour lui faire la da'wa et lui faire comprendre ça. Sauf si c'est lui qui vient vers toi, et si c'est quelqu'un de ta famille ou bien c'est quelqu'un qui te fait confiance et qui aime t'écouter, dans ce cas, tu lui propages, inshallah ta'ala, la dawa. Sinon, patiente et fais là aux jeunes, bi'idhnillah ta'ala, car les jeunes, eux aussi, vont devenir vieux. Avant de vieillir, inshallah ta'ala, fais-leur la dawa, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Naam. En fait, cher, je ne voulais pas poser la question car elle était posée dans le salon réservé aux questions pour le cours et elle n'avait aucun rapport avec le cours. C'est surtout pour ça. Et donc, je vous pose la question suivante d'un frère qui dit « Qu'Allah vous récompense, cher, ainsi que les admins. » Donc, une sœur demande « Je suis reconverti, alhamdoulilah, depuis 3 ans. Et j'essaie de faire la da'wah à ma mère qui est catholique très pratiquante. À plusieurs reprises, donc elle a essayé de lui faire da'wah, mais le ton montait souvent car elle avait des propos assez durs sur l'islam. J'ai donc essayé de lui donner un livre sur Isa, alayhi salam, mais les seuls détails qu'elle a retenus du livre est au début de la généalogie de tous les prophètes et a accusé les musulmans de s'approprier tous les prophètes. Donc de quelle autre manière puis-je lui faire la da'wah? La da'wah juste par le comportement suffit-elle, sachant que les autres tentatives ont été un échec? Ou dois-je patienter et tenter de relancer le dialogue à ce sujet à des moments opportuns? Barakallahu fikoum, cher. Naam, alaykoum salam, wa barakatou. Je dis, au billah subhanahu wa ta'ala tawfiq, que ce qu'il faut ne pas oublier, c'est de faire beaucoup de doigts. Et toujours d'avoir entre les yeux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les renverse comme il veut. Donc, d'une seconde à l'autre, Allah ta'ala peut lui renverser son cœur. Donc, si on connaît ce hadith, on n'est jamais... attendez, je cherche le mot, comment qu'on dit yes, yes, ça veut dire que jamais on ne désespère, jamais on ne désespère la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et jamais on ne perd espoir. Non, elle dit, c'est la première. La deuxième, le comportement joue un grand rôle. On peut faire la da'wah seulement avec le comportement, sans dire un mot. Exactement comme ont fait les sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Quand ils sont allés en Inde, en Égypte, en Iran, non, ils sont en Chine, ils sont allés faire le commerce là-bas, ils ont fait la dawa avec le bon comportement. Les gens les voyaient, comment qu'ils étaient pendant le commerce, mashallah, ils trichaient pas, ils te permettent d'acheter à crédit, il te manque un sou, ils te disent ça fait rien, et comme ça, ils ont dit c'est quoi ça? Ils ont dit ça c'est l'islam. Ils ont dit nous on veut yani un din pareil. Et troisièmement, je lui ai dit Naam, quand le moment opportun arrive et que c'est elle qui ouvre le sujet ou bien c'est quelque chose qui a un rapport avec le sujet, Naam, parle inshallah ta'ala sans critiquer dans le sens yani sans insulter, etc. Naam, parle yani juste en faisant par exemple une remarque, en montrant yani la différence. Oh, regarde par exemple en islam, comment c'est. Regarde par exemple, yani, en islam, comment c'est la chose. Et comme ça. Naam. Et si elle entend, elle écoute, alhamdoulilah, si elle dit je veux plus parler de ça, et ne plus de ça, etc., tu te tais, alhamdoulilah. Tu t'es tu par. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas écouter. C'est elle qui t'a dit tais-toi. Donc, t'es, naam. Et je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut la guider, l'autre elle rentre en islam. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal. Allahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: si Allah ta'ala, du jour au lendemain, vous accorde une grosse somme d'argent, une donation d'un membre de la famille d'environ 20 000 euros, sachant que vous n'avez jamais fait le hajj, alors que faut-il faire? Privilégier le hajj ou bien ouvrir un petit commerce en espérant qu'Allah Ta'ala fasse fructifier cet argent, puis ensuite aller au hajj. C'est donc un conseil que j'aimerais avoir, vu qu'il faut demander conseil au pieux, inshallah. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam, rahmatullah. La première des choses qu'on devrait faire, c'est d'aller au hajj. Naam. Le hajj, c'est quoi? L'un des piliers. Allah Ta'ala maintenant, qui m'a enrichi, qui a fructifié mon commerce, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je veux le remercier. Comment faire? Donc, faire un des piliers de l'islam, aller au hajj. Subhanallah al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ajilu bil hajj. Il a dit, hâtez-vous, comme ça il a dit, précipitez-vous, hâtez-vous, comme ça il a dit par rapport au hajj. Il a dit pourquoi? Il a dit car il se peut que l'occasion ne revienne pas. Il se peut que la personne tombe malade, il se peut que la personne meure, il se peut qu'il arrive telle et telle chose, un empêchement. Il a dit il se peut que l'empêchement arrive. Naam. Surtout, puisque la personne est jeune, pour le hajj, ça va lui être facile. Mais si elle laisse maintenant qu'elle atteigne 50, 60, 70 ans, ça va lui être très difficile d'aller au hajj. Naam. Pour aller de la Mecque à Minan, elle ne peut pas. Pour faire telle et telle chose, elle ne peut pas. Et comme ça. Et ça va être yani, un grand embarras pour elle. Donc, la première des choses que la personne doit faire, quand Allah Ta'ala l'a enrichi, c'est d'aller au Hajj bi'idhnillah Ta'ala. Naam. Tfadl. Cheikh, c'est bien à moi parce que Zakaria parlait très fort. J'ai pas entendu si vous aviez fini. Donc, écrivez un si c'est bien à mon tour de vous lire une question. Alhamdoulilah. Donc, la question d'une sœur qui dit « Qu'Allah Ta'ala vous récompense tous en bien et vous accorde le Firdaus. La question concerne la validation d'un mariage et l'avortement. Une sœur s'est mariée religieusement avec un frère sans faire la walima et sans faire l'acte à la mairie. Ensuite, elle est tombée enceinte et son époux était énervé, donc elle a demandé à ceux qu'Allah... Et donc elle a demandé à ceux qui la répudient et il l'a répudié. Ensuite, elle a accouché et la belle famille est venue la chercher pour l'héberger chez eux. Le frère a décidé de ramener la sœur dans sa famille et le bébé, mais ils ne s'entendent toujours pas et il l'a maltraitée. J'aurais aimé savoir si elle est considérée comme mariée à lui. Donc si on considère qu'elle a forniqué, car elle n'a pas fait un mariage comme dans la sunna, est-ce qu'elle aurait pu avorter pour éviter des problèmes ou des représailles venant de son entourage, ou même pour des raisons financières? Quelles sont les conditions générales pour qu'une femme avorte en étant mariée ou non? Comment peut-elle s'acquitter de son péché, condition lorsqu'il y a eu fornication adultère dans les règles de l'islam, tout en évitant dans un pays mécréant? Barakallahu fikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que vous vous rappelez ce que j'ai dit la fois passée. C'était dans le cours passé. Pour les personnes qui se rencontrent en cachette, sans faire la walima. Et comment ça peut avoir un résultat yani, vraiment décevant. Et c'est ce résultat dont je parlais. Là, maintenant, elle est tombée enceinte et les gens, personne ne sait qu'elle s'est mariée. Moi, premier, si c'était ma voisine, ensuite je la vois avec son ventre comme ça, je vais m'étonner. Je vais dire, subhanallah, j'ai jamais entendu que celle-là s'est mariée. C'est ma voisine, comment? Si elle s'était mariée, il m'aurait invité. J'aurais entendu. Et ensuite, où c'est grave? Puisque c'est seulement, yani, religieusement, c'est pas sur la mairie. À la mairie. Des fois, le mari nie. Il dit, je connais pas cette femme. C'est qui celle-là? Je me suis jamais marié avec elle. Ça, c'est encore plus grave. Toute personne qui contredit la sunna ou un précepte de Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui arrive une fitna. Regardez, inshallah ta'ala, le verset qui va suivre, le verset qui va venir. Donnez-moi une seconde, inshallah ta'ala, pour le verset. Une seconde. J'espère qu'il est bien traduit en français, c'est tout. Une seconde. Ensuite, une seconde. Regardez le verset. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لواذا. Voilà le témoin. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أو يصيبهم عذاب أليم. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous adressiez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres, qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Voilà le témoin. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement, le commandement du prophète, prennent garde qu'il ne les atteigne et que ne les atteigne un châtiment douloureux. Vous avez remarqué? Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, au commandement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils prennent garde qu'une épreuve. Tu contrôles le prophète, ça t'arrive une fitna. Alors, quand tu vas mourir, un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux. Une seconde. J'ai compris ce que veut dire Fawzi. J'ai compris ce que veut dire Fawzi. Une seconde. Voilà Fawzi. Voilà Fawzi. Je t'ai compris. Non. On revient donc, inshallah ta'ala, à notre question. On revient donc, inshallah ta'ala, à notre question. Celle-là. Attendez, je ne trouve plus la souris. Une seconde. Je ne trouve pas la souris. Une seconde. Une seconde. Donc, ce couple-là, dans la question, alhamdoulilah, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait, alhamdoulilah, le mariage religieux. Donc, dans ce cas, c'était sa femme. Et, bien sûr, on va dire d'elle que, yani, c'est sa femme. Et que l'enfant, c'est leur enfant. L'enfant, c'est leur enfant. Même s'ils ont enfreint à la sunna et qu'ils sont tombés dans la fitna. Mais l'enfant, c'est leur enfant du mariage religieux. Ensuite, ils se sont séparés, il a divorcé. Et elle dit, est-ce que j'aimerais savoir si elle est considérée comme mariée à lui. Elle n'est pas considérée mariée à lui tant qu'il ne l'a pas encore reprise. Reprendre, ce n'est pas dans le sens de l'héberger. Je peux héberger ma femme que j'ai divorcée sans la reprendre. Vous comprenez, je lui donne une pièce dans ma maison, mais je ne l'ai pas reprise. Comme je peux m'approcher d'elle, etc., sans la reprendre. Non. Car pour revenir vers sa femme, la reprendre, il faut lui dire, voilà, je te reprends. Surtout devant deux témoins, c'est encore mieux. Mais s'il ne lui dit pas, je te reprends, alors il l'approche intimement, mais avec la niya que c'est pour la reprendre. Sinon, comme j'ai dit, il y a certains hommes qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je profite, puisqu'elle est là chez moi, je profite, je m'approche d'elle intimement, alors qu'il ne la reprend pas. Et dans ce cas, il est tombé dans la zina ou l'ayadu billah. Donc cette femme ici, on va lui demander, maintenant il t'a dit, et on va voir ce qu'il t'a dit, je te reprends. Est-ce qu'il t'a dit, je te reprends, il ne l'a pas encore dit. S'il ne l'a pas dit, tu n'es pas encore sa femme, tu es toujours divorcé. Quand la période de viduité se termine, trois fois les menstrues, tu n'es plus son épouse. Mais si dans ce délai-là, les trois menstrues, il va te reprendre, soit en disant je te reprends, ou bien soit en s'approchant de toi avec l'intention de te reprendre, dans ce cas, vous êtes revenus l'un à l'autre. Non. Reste pour avorter, etc. L'avortement est interdit en islam. Est interdit en islam, surtout, non, quand il dépasse les 40 jours. Et plus grave, s'il dépasse les 4 mois. Entre un jour 40, c'est plus ou moins interdit, plus ou moins possible de le faire. Entre 1 et 40. Entre 40 et 4 mois, on ne le fait que dans un besoin. Slave-toi de Cheikh Ibn Uthaymeen. Entre 1 jour et 40, c'est plus ou moins. Entre 40 Et 4 mois, on ne le fait que dans un besoin, vraiment un besoin. Entre 1 mois et 4. Vraiment dans un besoin. Après 4 mois, c'est interdit dans tous les cas. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, après 4 mois, même si la femme, la mère, venait à mourir, elle ne fait pas l'avortement. Car certains savants disent que l'essentiel, yani, c'est pour sauver l'enfant. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit non. Non, il n'a pas plus d'importance qu'elle. Elle a dit c'est pour. Elle doit faire ça, sinon elle va mourir. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, elle n'a pas plus, elle n'a pas plus, yani de, comment dirais-je, plus de valeur que son enfant. Son enfant, c'est aussi une âme. Et maintenant, ça, c'est 4 mois. Allah Ta'ala a insufflé l'âme. Donc, pourquoi tu te permets de le faire mourir pour que tu vives, toi? Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas meurt? Quelle est la différence? Donc, c'est très, très grave après 4 mois. Bi'idhnillah Ta'ala. طيب تفضل ان شاء الله تعالى بوغ اون اوتر كيسيون بارك الله فيكم شيخ question suivante d'une sœur qui dit je souhaiterais faire du commerce international donc je pense que c'est un frère plutôt je risque de ne plus m'occuper de ma famille car les la question n'est pas structurée. Donc, je souhaiterais faire du commerce international. Je risque de ne plus m'occuper de ma famille à cause des voyages. Est-il plus méritoire de m'occuper d'eux plutôt que de faire ce genre de travail? Est-ce que les compagnons faisaient du commerce et délaissaient leur famille? Barakallahu fikoum ya shir, hayakoum Allah. Naam, alaykoum salam. Je te donne un conseil à toi et à tous ceux qui m'entendent et à moi-même. Naam. Essaye, Inch'Allah, de ne pas rentrer dans le commerce. Naam. C'est très difficile de nos temps, de faire le commerce. Et si c'est de notre temps, de faire un commerce, ou là, de faire le commerce, sans tomber dans le haram. Si tu fais le commerce, fais-le pas à un point, comme tu dis, commerce international, etc., pour m'enrichir. Si je le fais un commerce modeste. Juste, non, je vends telle chose, j'achète une chose, je vends une chose, et comme ça. Mais ne fais pas le grand commerce, pas te faire courir matin et soir dans les banques, dans les voyages, dans les avions, dans ceci, dans cela. Et la première des choses que tu vas perdre, c'est ta salade. Tu ne vas plus faire la salade à l'heure. Ensuite, c'est ta famille. Tu n'auras plus le temps. Tu envoies des SMS et tout, tu n'es pas là. Et comme ça. Mais je te conseille de faire quelque chose qui fait de sorte qu'il te fait rentrer une paye à la fin du mois. Et ça te suffit, bilnata là. Même si c'est quelqu'un qui fait le commerce ou là, qu'il mette quelqu'un, il délègue quelqu'un, il lui dit, Nam, je te donne tant par mois et yani, occupe-toi de quelqu'un de sérieux. Et toi, Inch'Allah ta'ala, tu es avec ta famille en train de demander la science, etc. Et tu verras, inshallah ta'ala, que tu te sentiras le plus riche, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Tfadhal. Allahou fikoum, cher. Question d'une sœur. Voilà, cher, je connais une sœur qui a des origines musulmanes. Sa mère est née d'un père musulman. Mais elle a un père mécréant. À son jeune âge, avant qu'elle soit pubère, son père l'a ramenée à l'église pour lui faire faire son baptême. Mais quand elle a eu l'âge de la puberté et qu'elle raisonnait, elle se considérait tout le temps comme musulmane. Elle ne s'est jamais considérée chrétienne. Mais elle ne priait pas. Et la famille de son père lui faisait manger du porc. Donc la question de la sœur est, a-t-elle besoin de dire la shahada pour se reconvertir? Je relis la question, Barakallahu fikoum, je suis en train de la relire. Sa mère est née, voilà, je connais une soeur qui a des origines musulmanes. Sa mère est née d'un père musulman, mais elle a un père mécréant. Et à son jeune âge, avant sa puberté, son père l'a amené à l'église pour lui faire un baptême. Mais quand elle a eu l'âge de la puberté, qu'elle raisonnait et se considérait tout le temps comme musulmane. Et elle ne s'est jamais considérée comme chrétienne. Mais elle ne priait pas. Et que la femme et son père lui faisaient manger du porc. Donc la question est la sœur a-t-elle besoin de dire la shahada pour se reconvertir? Non. Pour que la personne se reconvertisse, il faut quoi? Il faut que elle ait déjà été dans un autre dîn. Mais si elle, pour elle, yani, tout le temps elle est musulmane, tout le temps. Et que ce qu'elle a fait ici, c'était avant la puberté, avant la puberté. Maintenant, en devenant pubère, d'ailleurs, j'ai oublié de dire une chose. Ensuite, cette personne, elle n'a pas dit, par exemple, si elle priait ou pas. Maintenant, si cette personne, ça veut dire qu'elle est déjà musulmane. Le fait en priant en disant Allahu Akbar que je suis musulman, n'est-ce pas? Non, pas autrefois, maintenant, maintenant. Maintenant. Est-ce qu'elle prie ou elle prie pas? Non. Ensuite, si elle voudrait sortir des divergences, elle voudrait sortir des divergences, qu'est-ce qu'elle perd en disant la shahada? Qu'est-ce qu'elle perd? En disant shahadun la ilaha illallah, wa shahadun Muhammadan Rasulullah, et ashhadu que Isa, c'est-à-dire Jésus, c'est qui? C'est Abdullah wa Rasuluhu. C'est le serviteur d'Allah et son messager. Donc, si elle veut sortir des divergences, qu'elle dise ça. Pourquoi moi j'ai demandé si elle priait? Car si elle prie maintenant, si elle prie, avant de prier, il faut qu'elle fasse le wudu. Et quand elle termine le wudu, elle dit Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammadan Abdu wa Rasuluhu, Nam jani min tawabin, Nam jani min tatahir. Musulmane bi ta'ala, elle n'a pas besoin de dire la shahada bi idhnillahi ta'ala. Naam, tfadl. Barakallahu fikoum, cher. Question d'une sœur, changée. Concernant le cours, je voulais savoir si on achète des biens comme une voiture neuve, une belle cuisine, plusieurs jilbabs, etc., mais tout en faisant des aumônes sans compter. Est-ce que cela peut prouver qu'on est attaché aux biens de ce monde? Barakallahu fikoum. En même temps, cher, le dernier hadith que vous avez cité, qui utilise les termes quiconque fait de l'au-delà, etc., par qui a été rapporté ce hadith? Barakallahu fikoum, cher. J'ai pas compris de quel hadith parle la personne. Est-ce que tu peux me répéter, Inch'Allah? Moi non plus, j'ai pas très bien compris parce que c'est écrit quiconque, etc. Pendant que Cher vous répondait à la première question, je vais essayer de retrouver les paroles un peu plus haut, Inch'Allah. Donc la première question était, si on achète des biens, comme une voiture neuve, une belle cuisine, des vêtements, etc., mais qu'on fait beaucoup d'aumônes, est-ce que cela peut prouver qu'on est attaché aux biens de ce monde? Barakallahu fikoum, Cher. Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui, des fois, ont vécu dans l'aisance, mais qui en même temps font beaucoup d'aumônes et donnent beaucoup aux pauvres, etc. Non. Ceci, ce qu'ils donnent, etc., c'est une preuve que, yani, ils ne sont pas attachés à ce bas monde. Car celui attaché à ce bas monde, non, ne peut faire l'aumône. Il ne peut aider. Non. Il a peur, il est avare. Il a peur que cet argent parte et sorte de son compte. Yani, joue entre les deux. D'un côté, yani, il aime s'habiller, etc. Non, mais de l'autre, par contre, il fait des etc. Inch'Allah ta'ala, ça ne se contredit pas. Donc voilà le hadith. Man kanat al-akhiratu hamma, ja'ala Allah ghina fi qalbi, etc. Ce hadith, Cheikh Al-Albani a dit authentique. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. coupe. Quand vous écrivez quelque chose, il y a des fois aussi tout. Donc voilà, inshallah ta'ala, le hadith en face avec l'Ibn Sirah. Tafadhal. Barakallahu fikoum, cher. Donc j'ai pas eu le temps de vous coller la nouvelle question, comme j'étais en train de chercher le hadith. Et je vous la lis. Bismillah. Jazakumullah khaira, cher. Question donc d'une sœur qui dit, cela fait la première fois que c'est la première fois que je me connecte et que j'arrive à être dans les premiers pour lever la main, donc j'en ai profité pour vous poser une petite question. Et surtout, ça me permet de vous remercier personnellement pour votre travail que vous entreprenez, de nous faire cours pour nous francophones. Et sachez que vous m'encouragez à obéir à Allah Azza wa Jal. Jazakumullah khaira. Merci beaucoup. Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala vous couvre de sa rahma ainsi que votre famille, qui Ta'ala vous accorde une place aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la question, j'essaye d'apprendre à faire la toilette mortuaire, qu'Allah Ta'ala m'aide. Dans mon apprentissage, je trouve beaucoup de supports où il est expliqué la manière d'envelopper la femme avec le linceul, qui est fait de 5 morceaux. Cependant, il est que cette manière, donc le linceul en 5 morceaux, est basée sur un hadith faible à ce que j'ai compris. Alors je suis dans la confusion. Donc le meilleur, doit-on donc envelopper la défunte avec un linceul coupé en 3 morceaux, comme pour l'homme, ou bien en 5 morceaux ou plus ou autre. Barakallahu fikoum ya shir. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khaira wa zamin. Amin. Jazakallahu khaira. Naam, fiki barakallah. Je dis, le fait d'apprendre à lever et à laver mon afwan, c'est vraiment quelque chose de mashallah. Dans le péché, comme vous savez. Et ça rapproche beaucoup de l'au-delà. Quand quelqu'un voit un mort comme ça devant lui, subhanallah l'adim, ce jour, il ne va pas manger ou dormir tellement il va se sentir lui-même dans l'au-delà. Naam, c'est bien pour les gens qui font comme ça, à condition de ne pas le faire tout le temps. Pour que ça ne devienne pas quelque chose d'habituel. Pour que ça ne devienne pas quelque chose d'habituel. Ensuite, ça ne donne pas l'effet sur le cœur. Al-Muhim. Naam, le hadith qui dit, pour la femme, on la couvre dans 5 morceaux de tissu. Naam, pour le linceul, ce hadith est daif. Le hadith sahih, c'est de faire de la femme comme de l'homme. Seulement 3 morceaux. De tissu bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite je dis à cette sœur et à n'importe qui, aussi aux frères, celui qui veut apprendre le lavage mortuel, je lui conseille seulement le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, Ahkam al-Janaïd, de la Genèse, les règles, choses comme ça, les règles funéraires. Naam, akhi ukhti, ce livre te suffit, tu vas trouver à l'intérieur tout ce qu'il faut pour comment laver, ne pas laver et ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, Inch'Allah ta'ala. Tfadla. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit Hayakum Allah ala al-haq ya cher. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez la santé binillah. J'ai récemment lu Mukhtasar Minhaj al-Qadisi de Ibn Qudama al-Maqdisi et je n'ai pas très bien compris un passage concernant Az-Zuhd. Si vous pouvez nous éclaircir sur cela, Inch'Allah. Le passage, cher, sache que l'ascétisme dans ce bas monde est un comportement respectable qui fait partie de la station des itinérants, Salikin. Zohd consiste à détourner nos désirs d'une chose vers ce qui est meilleur, à condition que ce dont on se détourne soit quelque chose de souhaitable. Les questions, cher, sont qui sont donc les Salikin et que veut-on dire par détourner nos désirs d'une chose vers ce qui est meilleur. Pardon pour la longueur, jazakumullah khaira. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et vous accorde le firdaus. Et nous accorde le firdaus. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Je crois que ça coupe un peu, n'est-ce pas, Fawzi? Ça coupe un peu. Dites-moi si c'est vrai, ça coupe un peu. Non. Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est on arrête? Est-ce que c'est audible ou bien on arrête? Audible. Donc jeudi, il y a deux questions dans la question. C'est qui Salikin? Salikin, ce sont ceux qui sont dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit deux Salikun et Salikin quand c'est majrur. Salik, ça veut dire il a pris le sentier. Toute personne qui est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit deux les Salikun, ceux qui yani, suivent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Et ceux qui le suivent ici, le mot salikoun, ça se disait surtout chez les salafs autrefois, car vraiment ils étaient dans le sentier à fond. Ils étaient dans le sentier à fond. Ensuite, la deuxième question, c'était qu'est-ce que ça veut dire de délaisser une chose, détourner nos désirs d'une chose vers ce qui est meilleur? Naam. En fait, il a dit ici, le vrai ascétisme, c'est de quoi? De détourner ton désir d'une chose, yani. Qu'on désire. Attendez, comment il a dit ça? Qu'on désire d'une chose qui est vers ce qui est meilleur, à condition que ce dont on se détourne soit quelque chose de souhaitable. Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, le vrai ascète, c'est celui qui a la chose, qui veut la chose, mais qui la délaisse. Il détourne son désir pour une chose meilleure, c'est ce qu'il y a dans l'au-delà. Ou alors une chose meilleure ici. C'est pour lire le Coran, pour prier, pour ceci, au lieu d'aller vers la chose qu'il a désirée. C'est pour ça que le vrai ascète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut se permettre une chose qu'il désire, mais il s'en détourne pour Allah Azzawajal et pour son paradis. Ce n'est pas comme le pauvre qui n'a rien et dit moi je suis un ascète. On lui dit non, le vrai ascète c'est celui qui a les moyens de se procurer des choses qu'il désire, mais il s'en détourne pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Cher. Question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense et vous accorde le Firdaus à vous tous. Amin. La question, mes parents achètent de la viande qui n'est pas halal. Mais après avoir vu les versets qui Même après avoir vu les versets qui interdisent cela. Et souvent, c'est moi qui dois cuisiner chez nous, et ma mère me demande de faire cette viande pour tout le monde. Sachant que moi, je n'en mange pas, j'ai l'impression, en la cuisinant, de les pousser eux, ainsi que les autres, à continuer à en consommer. Si je ne cuisine pas ce que ma mère me demande, elle me fait des problèmes. Donc, comment puis-je faire dans ce cas? Barakallahu fikoum. Demande-lui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ici, Nam, de la viande pas halal? Est-ce que ça veut dire que c'est écrit dessus halal, mais pour la sœur, elle n'est pas convaincue, elle dit non, peut-être que ça n'a pas été égorgé. Ou bien, carrément, ils achètent de la viande qui n'est pas égorgée. Tfadlal. Le temps de poser la question, cher, je vais vous poser la question suivante. La question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites pour nous. Il n'y avait pas pour les admins à la fois. Je voudrais savoir s'il y avait un délai de viduité lors d'un divorce après les loquis, sachant qu'il qu'il y a eu des rapports. Je veux demander le khula, mais je n'ai nulle part où aller. Alors je veux qu'il me divorce, comme ça je n'aurai plus de devoir envers lui et un délai pour trouver une solution. Car à ce jour, je dois lui donner ses droits et de plus en plus, lui donner ses droits de plus en plus durs. Et je voudrais savoir quel rapport peut avoir ma fille avec l'enfant illégitime de mon mari, qu'il a en garde parfois avec sa sœur qui lui est légitime. Devra-t-elle se voiler devant lui à l'âge du hijab, car il est quand même un mahram pour elle, ou non? Barakallahu fikoum, cher. Cher, pendant que vous faites une pause, la sœur dit « J'ai tenté de poser des questions il y a quelques semaines, mais aucun des admins n'a pris ma question. Puis un des admins a renseigné quant au fait que Cher ne répondait pas aux questions de séparation-divorce. Puis après, j'en ai entendu quelques semaines plus tard. Allah a'lam, de temps en temps, on est tellement débordé qu'on fait passer des questions, alors qu'à la base, on ne devrait pas. Et je fais un rappel justement pour dire que Cher est là pour nous éclairer au niveau du din. C'est-à-dire que ceux qui ont des questions, des interrogations par rapport à une chose qui a un rapport avec Dine, Shir pourra nous éclairer sur les paroles des savants. Mais quand c'est une question sociale, ou une question par rapport au divorce, de relations de couple ou autre, Shir n'est pas habilité à y répondre. D'ailleurs, si vous posez des questions, c'est la même question, sur des cas de divorce ou autre, à des savants encore plus grands, tels que Shir Fawzan ou autres, ils vous renverront vers Darul Ifta, vers les qadis, vers les juges et autres. Donc, qu'est-ce qu'il en est de Shir? Donc, barakallahu fikoum, de ne pas mettre Shir et nous-mêmes dans la gêne, en essayant d'avoir des réponses qui sont plus sociales que religieuses. Donc, rappelez-vous juste que Shir est là pour nous donner des explicitations religieuses, en quelque sorte. Barakallahu fikoum. Et c'était juste pour éclairer par rapport à la suite de la question. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdoulilah. Donc, on répond à la question de la sœur qui a dit que. Une seconde ici, je reprends la question. Elle a dit. Je voulais savoir s'il y avait un délai de viduité lors d'un divorce après les logis sans qu'il ait eu de rapport. Non, après les logis, si pendant les logis ou là après les logis, quelqu'un divorce sa femme, non, il peut la divorcer, ce n'est pas comme pendant les menstrues. Pendant les menstrues, c'est interdit de la divorcer. Même si, maintenant, s'il va la divorcer, certains ont dit, non, on dit que ça compte pas. Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Othaymin, la plupart des savants d'Arabie Saoudite, et d'autres ont dit ça compte, comme Cheikh Al-Albani. Il a dit même pendant les menstrues, c'est interdit, mais ça compte. Al-Mouhim, il y a une divergence. dans les logis, Cheikh Ibn Uthaymin dit c'est permis. Et elle va compter comme pendant les menstrues. Elle va attendre qu'elle se purifie. Elle compte trois fois les menstrues. Elle compte trois fois les menstrues. Après les trois menstrues, elle voit la purification. Elle prend la douche et c'est terminé entre elle et son mari. Mais ici elle dit, car je dois lui donner ses droits de plus en plus, c'est dur, etc. Je n'ai plus de devoir envers lui pour trouver une solution. Non. Taïb, on me parle de l'horloge. Il n'y a plus l'horloge. Pourquoi elle n'apparaît plus, ça? C'est normal. Pourquoi elle n'apparaît plus, c'est vrai. Une seconde. C'est écrit ici 6 minutes. 6 minutes. Donc, on va la reprendre dans 6 minutes. Une seconde. Non, c'est pas 30. Taïb, 6 minutes. Je reviens à la question. Je veux demander le khoula, mais je n'ai nulle part où aller. Alors je veux qu'il me divorce, comme ça je n'aurai plus de devoir envers lui et un délai pour trouver une solution. Non, pendant, si jamais il divorce, comme j'ai dit, c'est trois fois les menstrues, à condition que pendant toute cette période, il n'y a pas de rapport entre les deux. Maintenant, s'il y a un rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a reprise. Ça veut dire qu'il a repris sa femme. Naam. En sachant que pendant la période de viduité, elle est toujours son épouse. Elle est toujours son épouse. Naam. C'est-à-dire qu'elle ne se voile pas devant lui. Et si jamais il meurt, elle va l'hériter. Et si jamais elle meurt, lui, il l'hérite. Quant au garçon. Naam. Le garçon de ce mari, son garçon illégitime, ta fille, Nam, elle doit quoi? Elle doit se voiler devant lui quand il grandit. Quand il devient pubère, elle doit se voiler devant lui, car son garçon qu'il a, Nam, c'est quelqu'un d'illégitime. Nam, donc pour toi, Nam, pour ta fille, c'est un étranger, elle peut se marier avec lui. C'est pour ça que elle doit se voiler devant lui. Il n'intéresse, ce n'est pas un mahram. Et ce n'est pas un mahram pour elle. Naam. Tfadlal. Monsieur, juste pour vous rappeler qu'il y a la question de la sœur qui a dit que ses parents achètent de la viande pahlen. Mais après avoir lu les versets qui interdisent cela, et souvent, c'est elle qui doit la cuisiner. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a dit que cette viande est celle qui est vendue en grande surface et elle n'est pas certifiée halal. Et des fois, ses parents achètent de la viande où c'est écrit halal, mais pour elle, ce sont des mauvaises certifications. Allahu alam, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Jeudi, si la sœur donc atteste que cette viande n'est pas halal, dans ce cas, elle ne peut plus la cuisiner. Quitte à avoir des problèmes avec les parents. Car les problèmes qu'elle va rencontrer demain dans l'au-delà sont plus graves que les problèmes qu'elle va rencontrer avec ses parents ici. Donc elle va voir comment, yani, disons, convaincre sa mère. Car sa mère, c'est elle l'essentiel. C'est elle qui va lui demander de cuisiner, etc. Elle la prend à part et elle lui explique gentiment. Elle lui dit, voilà, je ne peux pas, yani, être contrainte à faire quelque chose qui, yani, pour moi, c'est haram. Elle lui dit, si tu veux, je te fais le ménage toute la journée, je lave les murs, je fais n'importe quoi. Mais ne me dis pas seulement de cuisiner la viande. Je te cuisine tout ce que tu veux d'autre. Le café, le thé, les lentilles, le riz. Ne me demande pas seulement quand il y a la viande. Pourquoi? Sauf si tu achètes de la viande de halal. Ensuite, ma mère, toi, pourquoi, Yanni, on ne fait pas un pacte entre nous? Laisse-moi, Yanni, si c'est loin ou là, c'est moi qui vais acheter la viande. Comme ça, moi, j'achète de halal et comme ça, je peux te cuisiner ce que tu veux et quand tu veux. Mais si maintenant tu ne veux pas m'entendre et tu achètes la viande de haram, moi je te dis que je ne cuisine pas. Et si on te frappe, si on t'insulte, si, tu dois accepter tout cela pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et te dire que les problèmes ici, même s'ils sont graves, sont moindres que les problèmes demain devant Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir aidé les gens à manger le haram. En cuisinant, tu les aides à faire le haram et à manger le haram. Allah Ta'ala a dit, wala ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Allah Ta'ala a dit, et ne vous entraidez pas dans la turpitude et le péché. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfadlal. Barakallahu fikoum cher, question suivante d'une sœur. Nous habitons en France, ma femme et moi, enfin c'est plutôt un frère alors avec le pseudo de sa femme. Nous habitons en France, ma femme et moi, et mes trois enfants. Et ma femme est enceinte de notre quatrième enfant, alhamdoulillah. Nous souhaitons faire la hijra en Algérie, inshallah, mais nous n'avons pas de logement là-bas. Et je n'ai toujours pas d'emploi également. Pouvons-nous contracter un crédit immobilier à 1% d'intérêt, sachant que ce sera notre résidence principale? Barakallahu fikoum, cher. Walaykoum salam, réponse non, ce n'est pas possible. Parce que vous voulez faire la hijra spécialement. Pourquoi on fait la hijra? Pour ne plus faire de péché et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Alors qu'en faisant 1% d'intérêt ou le 2% ou le 3% ou là, c'est comme si tu fais 50% ou là 100%. Non. Et vous connaissez le statut de l'usure en islam. Et que le moindre degré du péché de l'usure, c'est comme celui qui fait la zina sa mère à Oudou Billah. Donc, à quoi ça sert maintenant de vouloir faire la hijra si, a'oudou billah, je vais faire la zina avec ma mère? Naam. Tfadl. Barakallahu fikoum, cher. Question d'une sœur qui dit, j'ai une question concernant zakat al-mal. Elle donne un exemple. Le 1er janvier 2012, j'avais un capital de 3 000 euros. Un an plus tard, le 1er janvier 2013, j'ai un capital de 5 000 euros sans être en dessous, sans être descendu en dessous du nisab pendant l'année entière. Dois-je payer la zakat sur les 3 000 euros ou sur les 5 000 euros? Barakallahu fikoum et qu'Allah nous facilite l'apprentissage de la science. J'ai ici deux remarques. La première, c'est là que la réponse, c'est quoi? Elle doit faire la zakat sur les 5 000, pas sur les 3 000. Non. J'avais un capital de 3 000, j'avais un capital de 5 000. Non. C'est toujours en voie. Quelle est la somme que j'ai maintenant quand c'est le moment de la zakat? Quelle est la somme que j'ai maintenant quand c'est le moment de la zakat? Non. Surtout, si cet argent, c'est-à-dire les 2 000, parce que c'était 3 000, c'est devenu 2 000. Surtout si c'est yani les 2 000, surtout hein, si c'est le fruit des 3 000. Si c'est le fruit des 3 000. Car si ce n'est pas le fruit des 3 000, certains ont dit, on peut alors faire un deuxième compte, les mettre de côté, un deuxième compte, et comme ça, pour recompter spécialement pour ces 2 000, faire un compte nouveau. Mais la meilleure des choses, comme disent les savants, c'est de les grouper et de faire sortir à chaque fois les zakat. C'est la première remarque. La deuxième, on ne doit pas se baser sur les mois et les jours chrétiens. Comme ici elle a dit, 1er janvier au 1er janvier de l'autre année. Si on se base sur le calendrier chrétien, on a une petite somme à ajouter. Je crois que c'est au lieu de ces 2,50, au lieu qu'on donne 2,50, je pense on donne 2,75. Car on ne s'est pas basé sur le calendrier musulman, donc on a tardé de 10 jours à peu près. C'est pour cela que je conseille, chaque personne qui fait la zakat, elle doit prendre comme repère un jour ou un mois musulman. Disons par exemple chaque ramadan. Chaque ramadan, elle sort la zakat. Par exemple, ou chaque rajab, chaque comme ça, elle doit prendre arabe, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs, nous apprendre notre religion et nous aider à travailler avec ce qu'on nous apprend et à appliquer. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.